disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 12. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email démocratieparticipative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratieparticipative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je vous invite aussi à vous inscrire sur le forum participatif Europe Écologie Les Bruns à l'adresse suivante eelb.su. C'est un espace qui vous permettra de commenter les articles qui sont publiés sur le site, mais aussi de poster tout simplement des informations qui vous semblent intéressantes. Donc ça peut être des vidéos d'actualité, des liens vers des sites d'information, que sais-je, des réseaux sociaux, bon, voilà, et de débattre joyeusement. Il y a des catégories utiles comme crypto-monnaie, informatique, etc. Donc, révisionnisme historique aussi, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à participer. Je vais maintenant procéder à la présentation des membres de cette semaine qui nous font le plaisir de nous rejoindre. Je vais commencer avec Fulbert. Salut Fulbert, j'espère que cette semaine tu vas bien. Mais comme d'habitude, Yana, je vais bien, je vais pas me plaindre. Bonjour à toi et bonjour à tous. Et t'es aussi avec nous cette semaine Alexis, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Salut Gandalf, salut à tout le monde. Est présent aussi cette semaine mon comparse et collègue mage. Je veux parler de Merlin. Salut Merlin. Salut à tous, salut Gandalf. Moi ça va, je me sens plus bouddhiste chinois en ce moment. Oui. Oui, le bouddhisme a de l'avenir, je crois aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Et avec nous aussi cette semaine, comme toutes les semaines, Pierrot. Salut Pierrot, j'espère que tu vas bien, Pierrot. Bah écoute, ça gaze, bonjour Gandalf, bonjour à tous. Et enfin, est avec nous Poporovic, qui nous fait le plaisir aussi d'être avec nous cette semaine. Salut Pierrot. Salut Gandalf. Alors messieurs, avant de commencer l'émission à proprement parler, je vais remercier les donateurs de la semaine. Comme vous le savez, nous sommes une émission qui est intégralement financée par ses auditeurs et aussi par les lecteurs. Hein, on n'a pas de subvention gouvernementale pour faire tourner le média. Donc, on remercie tous ceux qui veulent nous soutenir. Alors les dons se font exclusivement en crypto-monnaie, plus particulièrement en Monero. Je suis content de voir que nos auditeurs se familiarisent avec les crypto-monnaies en général et Monero en particulier, qui garantit l'anonymat des transactions, ce qui évidemment est appréciable en ces temps de persécution politique. Le mot n'est pas trop fort. À partir du moment où on vous jette en prison parce que vous avez des opinions, on peut parler de persécution. Je veux bien sûr faire référence à Hervé Ryssen, qui est toujours derrière les barreaux, dans les geôles de la République, pour avoir écrit des livres. Bon. Donc effectivement, l'anonymat est un réel avantage pour nous tous. Alors, premier don, parce que alors évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez nous signifier que vous avez reçu un don aussi pour confirmer que la transaction a bien eu lieu. Mais je tiens aussi à saluer ceux qui restent anonymes au sens vraiment strict du terme, qui ne se manifestent jamais, mais qui nous soutiennent. Merci à vous. Premier don. Bonjour chers camarades, je viens de vous envoyer un modeste premier don de 0,25 Monero en guise de remerciement, de soutien pour votre travail que j'apprécie particulièrement et qui me permet de me sentir un peu moins seul au milieu de tous ces gauchistes et autres pro-bougnes attardés. Alors c'est une femme qui nous écrit. Je suis toujours très admiratif de votre travail d'analyse et de vos raisonnements clairvoyants. J'aimerais avoir votre don oratoire, ne serait-ce que pour argumenter devant une militante refugees welcome en mal de petit singe ou devant quelques boomers gestes barrières, mais face à l'ampleur de la tâche, dans tous les sens du terme, les bras m'en tombent et les mots me manquent. Malgré cela, j'espère que nos idées trouveront le moyen de se diffuser largement et que leurs effets se feront ressentir assez rapidement, car manifestement, ça commence à urger. Encore bravo et merci, longue vie à vous, et c'est signé... Saucisses, évidemment, par référence aux fameuses saucisses d'Auschwitz. Hein, vous les connaissez? Je ne sais pas si tous nos auditeurs connaissent les saucisses d'Auschwitz. Là, il y a peut-être une lacune historique à combler. En tout cas, merci à Saucisse de son soutien et de sa fidélité en tant qu'auditrice et lectrice. Don numéro 2. Bonjour l'équipe. Je viens de vous faire un don de 0,65 Monero, alors il nous donne l'identité de la transaction. Pouvez-vous me confirmer si vous l'avez bien reçu, car je ne suis pas familier de MyMonero. Merci, et merci pour votre travail inestimable. Bonne continuation, et c'est McLean. Alors, ça sera fait, cher McLean, normalement, en début de semaine. Voilà. Merci pour ton soutien, McLean. Don numéro 3, un mécène, hein, c'est-à-dire un soutien régulier. C'est M.A. qui se reconnaîtra, un démocrate participatif. Donc après avoir aidé le démocrate en difficulté le mois dernier, oui, je reviendrai sur notre ami hein, qu'on a soutenu là, dans le sud de la France. Sa situation s'est quand même nettement améliorée. Je vous adresse mon don au titre du mois de mars. Merci beaucoup, M.A., pour ton soutien régulier. Alors, nous allons maintenant pouvoir commencer l'émission en tant que telle. Le autisme radical. Commençons cette semaine avec quelque chose d'assez intéressant. C'est une déclaration donc de Marlène Schiappa qui s'exprimait donc sur LCI, qui voulait nous parler de la charte de l'islam de France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est dans le cadre de la soi-disant lutte contre le séparatisme. Objet politique non identifié que ce séparatisme, sous-entendu, bon, les bougnoules, hein, c'est ça qui est censé être visé, mais on en avait parlé la semaine dernière, notamment pour ce qui concerne les écoles, et notamment les écoles hors contrat, étaient censées notamment viser, enfin les écoles hors contrat travaillées par l'islamisme, entre guillemets, qui étaient censées viser notamment cette loi contre le séparatisme. Et on avait vu avec Pierrot notamment qu'en réalité, en pratique, ça visait essentiellement l'enseignement à la maison ou l'enseignement hors contrat catholique, pas du tout islamique. C'est un petit peu dans la foulée, hein, la charte de l'islam de France, entre guillemets, c'est une espèce d'accord que les imams qui exercent sur le territoire français seraient censés signer. Bon, il n'y a rien d'obligatoire en tant que tel, hein, mais serait censé signer en guise de bonne foi. Et donc cette charte stipule toute une série de déclarations à caractère, on peut dire, politique et aussi philosophique, dans lequel ces imams, finalement, admettent que l'islam est soumis plus qu'à la législation française, d'ailleurs, c'est soumis, entre guillemets, aux valeurs de la République. Valeurs très floues, hein, c'est un objet politique aussi, ça, très difficile à cerner que ces valeurs de la République. On va le voir dans un deuxième temps, toujours avec une initiative du gouvernement, mais cette fois-ci on ira en Pologne, vous verrez de quoi je veux parler. Donc Marlène Schiappa a dit, a indiqué que cette charte que les imams vont devoir signer contiendra l'obligation, écoutez bien ça, de prêcher dans les mosquées le mariage homosexuel. Hein, voilà, c'est ça aussi les valeurs de la République. Alors, on écoute Marlène Schiappa et on se retrouve. Écologie Les Verts qui ne semble pas sur ces positions-là. Marlène Schiappa, dernière question. Si cette association, donc soutenue par la Turquie, acceptait aujourd'hui de signer cette charte qu'elle a refusé de signer, pour les raisons que vous avez dites en janvier, est-ce que dans ce cas-là, vous diriez « Ok, elle peut financer ». Mais cette charte, pourquoi on a fait cette charte? Parce qu'elle est engageante. Et l'idée, c'est pas de mettre sa signature, c'est de dire comment on s'engage pour l'égalité femmes-hommes, pour la lutte contre l'homophobie. Est-ce que ça veut dire que dans les prêches, on considérera que deux hommes ont le droit de s'aimer, de se marier, que deux femmes ont le droit de s'aimer, de se marier, comme le disent les lois de la République française? C'est cela que dit cette charte. Et on voit là que l'une des vertus de cette charte, c'est justement que chacun se découvre. Et chacun dit ce qu'il est vraiment. Quand on dit qu'on refuse de s'engager pour des valeurs, somme toute, assez basiques de la République sur l'égalité femmes-hommes, le respect de la laïcité de la République, etc., ça dit quelque chose politiquement. Alors messieurs, vous avez entendu Marlène Schiappa, qui est rattachée au ministère de l'Intérieur, et qui, à laquelle Macron a confié pratiquement, on peut le dire, la supervision idéologique des musulmans en France. C'est un choix pour le moins curieux, je dois bien le dire, et les propos de Marlène Schiappa sont, méritent qu'on s'y arrête, c'est le moins qu'on puisse dire. On a certainement tous une opinion sur le sujet. Alors avant de donner la mienne, je vais simplement vous solliciter tous. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, a été cité, parce que c'est... Je vais quand même poser ce petit contexte pour que les gens comprennent. Dans l'échange que vous avez entendu entre Marlène Schiappa et la journaliste sur LCI, les questions d'une association cultuelle turque qui fait polémique en ce moment à Strasbourg, qui est une ville où il y a une forte présence turque, forte présence immigrée turque, puisque la municipalité écolo-gauchiste, a voté une subvention généreuse en vue de la construction d'une mosquée, de la plus grande mosquée d'Europe d'ailleurs, qui est voulue par le gouvernement turc et par cette association turque qui est proche du gouvernement et qui est réputée, sans l'ombre d'un doute, islamiste. Et alors, cette association turque, pour des raisons qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec des questions religieuses, mais simplement pour une raison de confrontation entre Erdogan et Macron en Méditerranée pour des histoires, en fait, de gaz, Erdogan a donné des ordres pour dire « Vous boycottez, vous faites de l'agitation, vous refusez l'exercice médiatique de Macron. » Et là, on demande à Marlène Schiappa, du coup, voilà, comment réagiriez-vous si cette association changeait finalement d'opinion, acceptait de signer cette charte? Et là, elle déclare ce que vous avez entendu, c'est-à-dire, c'est pas uniquement une signature, il faut aussi s'engager dans les prêches à reconnaître le mariage homosexuel. Donc, il y a une obligation pour les imams français entre guillemets, hein, de papier, quoi, de prêcher dans les mosquées, il y en a quand même 2500 aujourd'hui en France, et le mariage des sodomites ou des gouines ou des travelots. Moi, je dirais que je suis pour à 100%. Je suis pour à 100%. J'attends de voir les réactions des musulmans qui devraient ne pas être piqués d'un ton. Surtout quand on voit le tact de Marlène Schiappa à annoncer ça comme ça, et surtout le tact de ses partisans. J'attends de voir la confrontation avec les musulmans. Au pire, si ça fonctionne, bon, on sera avec des musulmans pédés, donc peut-être pas plus mal non plus. C'est dans le contexte actuel, franchement, moi, je suis ouvert. Pas de soucis. T'es ouvert aux innovations. Je précise que même la Grande Mosquée de Paris a réagi. Donc la Grande Mosquée de Paris est traditionnellement sous influence algérienne, tout le monde le sait, et ils sont connus pour évidemment redouter, enfin l'Algérie redoute beaucoup que ces quelques 7 millions de citoyens disposant d'un passeport français, car il y a 7 millions de franco-algériens en France, soient tentés par des courants religieux qui échappent au gouvernement algérien, avec un effet boomerang en Algérie même. Une peur d'une islamisation par des courants non-algériens de la diaspora algérienne qui ensuite essaierait d'importer en Algérie ces courants, notamment les frères musulmans, bien sûr. Il n'y a pas que celui-là, je ne vais pas faire le tour des épiceries orientales, ce serait trop fastidieux, mais il y a toujours cette crainte. Or, donc, pour cette raison, la Grande Mosquée est toujours très empressée de collaborer avec l'État français pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de radicalisation qu'elle ne contrôlerait pas. Et même elle a protesté contre ce truc, qui effectivement a pour effet, si jamais ils avaient validé, aurait eu pour effet de pousser dans les bras des islamistes les musulmans qui ont une connaissance minimale de leur religion, étant entendu que la sodomie mène tout droit en enfer, en islam, et c'est d'ailleurs le cas aussi dans le christianisme, normalement, mais vous savez que dans le christianisme, ça évolue aussi. Alors, d'accord, donc j'ai pris la réaction de Merlin, mais je tenais à souligner, donc, au plan purement institutionnel, les organisations islamiques ont violemment protesté suite à ça, mais les médias ont mis la pédale douce. Ils n'ont pas cherché à monter en épingle la tension. Au contraire, mais il n'y a pas eu non plus, je le précise, ni Darmanin ni Macron n'ont désavoué Schiappa. Parce que là, on voit qu'il y a un truc intéressant dans la stratégie de Macron qui consiste en fait à faire semblant de montrer les muscles à l'endroit des islamistes. Il y a aussi l'idée de ne pas non plus totalement antagoniser un électorat qu'il convoite. Hein. Macron a besoin des voix des quelques 10 millions de musulmans établis en France, à papier français. Et aussi, et ça c'est la nouvelle équation politique électorale en France, il s'agit de ne pas non plus antagoniser un lobby très influent, notamment médiatiquement, très présent, très représenté à La République En Marche, on va le voir, qui est le lobby des fiottes. Hein, voilà. Donc, c'est très intéressant de voir que Macron n'a pas dit, n'a pas rabroué publiquement Schiappa en disant que c'était n'importe quoi, de peur d'envoyer un signal en direction des PD en leur disant « je préfère prendre les musulmans que vous les fiottes ». Vous voyez, c'est très intéressant, ça. Quelqu'un voudrait-il réagir, là, sur cette obligation souhaitée par Marlène Schiappa sur le prêche, là ? Ouais, je pense que c'est du vent. C'est totalement du vent. C'est des mesures déclaratives, c'est pour donner l'impression qu'on agit. En même temps, comme tu dis, il faut ménager la chèvre, le chou, c'est-à-dire l'islamiste et les fiottes. Bon, c'est une mesure qui n'est pas contraignante. Est-ce qu'ils ont les moyens de vérifier que c'est appliqué ? Est-ce qu'ils vont aller envoyer des agents dans chaque mosquée de France et de Navarre pour vérifier ce qui se dit ? Bon, non, je pense que c'est une performance purement déclarative. Vous voyez, on fait des trucs. Le pire, et quelqu'un l'a dit, je crois que c'est toi ou Merlin, mais le pire, c'est que si jamais c'était appliqué, ça ne ferait en fait que mettre à la marge les imams les plus soumis au système et pousser la masse des musulmans vers les plus radicaux. Parce qu'effectivement, la sodomie est un truc qui est totalement interdit en islam, c'est parfaitement clair, c'est pas un point où on peut débattre, tenter de financer, donc ça n'aurait qu'un effet repoussoir. Je crois qu'il y a des permissions sur les chèvres, je suis pas sûr. Ah oui, mais c'est différent. Mais... C'est dommage, Diabolique c'est pas avec nous pour faire de l'exégèse, la semaine dernière, il nous avait... citant le petit livre vert de l'ayatollah Khomeini, on avait des subtilités sur les questions de cet ordre-là. C'est bien dommage que l'ouléma diabolique ne soit pas présent pour nous éclairer. Mais enfin, c'est un point qui est soulevé, mérite réponse, effectivement. Mais il reviendra là, mais il est en stage en Iran cette semaine. Ah, oui, je comprends. Mujahideen Diabolix. Alors, Gandalf qui dit que les médias ont mis la pédale douce, il fait des jeux de mots, oh là là. Sans même faire exprès, c'est fantastique. Ça, c'est le talent, c'est quand tu fais des jeux de mots, tu vois, sans même t'en rendre compte. Mais je suis pas sûr qu'ils pourront envoyer des agents vraiment, comme l'a dit Porovitch, parce que les agents en question, ils sont déjà occupés les samedis, vous savez, pour vérifier que les synagogues sont bien entretenues. Alors si en plus on les fait bosser le vendredi, ça ferait 48 heures, ça ferait un peu trop. Est-ce que c'est une bonne mesure, ce truc-là? J'ai envie de dire que oui, je rejoins Merlin. Parce qu'en fait, je suis vraiment fondamentalement convaincu que le pouvoir rêve d'une sorte de Vatican II dans l'islam. C'est-à-dire que les bougnoules, ils font un peu trop de bordel quand ils se tiennent mal. Si jamais on arrive à les rendre un peu plus, entre guillemets, républicains, PD, ce que vous voulez, eh ben, ça ferait des musulmans un peu moins musulmans et on pourrait les assimiler. Vous savez qu'on va absolument nous faire assimiler des millions d'extra-européens pour des raisons de calendrier juif. Bon, c'est compliqué comme histoire. Mais donc, je pense que les musulmans ne vont jamais acheter cette cam. Hein, le Vatican II dans l'islam, on va l'attendre pour longtemps. Et du coup, oui, comme l'a dit Porovitch, ils vont réagir de l'autre côté. Ils vont pas un peu se radicaliser. Et moi, j'ai envie de rajouter, c'est très bien, en fait. Hein. Moi, les Algériens, je les veux excités, je les veux énervés. Je sais pas, on les balance, par exemple, dans Paris, ils aiment bien Paris, apparemment. Ils balancent dans Paris, ils sont dans le Marais, allez, dans le Marais. Ou dans le Sentier, voilà. Et puis, on regarde ce qui se passe, après. On regarde, comme ça, de loin. Bah, oui, effectivement, oui. Mais je suis d'accord avec Porovitch, c'est-à-dire que c'est vraiment là, on est dans un miroir aux alouettes médiatiques, construit intégralement par Macron et sa bande en vue de 2022. La stratégie de Macron au plan électoral, s'il y a des élections, parce que j'ai dit je me ménage une option suspension des élections pour cause de virus. Je ne parle même pas du vote par correspondance qui doit travailler certains esprits pour corriger certaines erreurs que le peuple pourrait être tenté de faire éventuellement. Donc je crois que c'est, si élection doit y avoir, c'est en vue de ça, on est là pour, parce que la stratégie de Macron est claire, c'est la stratégie à droite toute, c'est-à-dire qu'il doit faire le plein des voix à droite pour asphyxier Marine Le Pen, en quelque sorte, c'est ça sa stratégie, et ensuite deuxième tour, grand classique, Front Républicain, le vote utile joue à fond. Marine Le Pen ne peut pas pousser davantage vers la droite puisque Macron lui a déjà pris ceux qui pourraient être tentés par un tel vote à cause justement de points des points programmatiques de Marine Le Pen comme évidemment insécurité et islamisme, ou terrorisme quoi. Donc voilà, donc il faut créer une illusion et cette illusion on l'a sous les yeux. Voilà, alors on va lutter contre le séparatisme. Ah bon, vous avez l'impression qu'il y a moins de musulmans en France? Ben non, Macron, depuis 2017, en a fait rentrer 1 million d'immigrés supplémentaires, dont une vaste majorité sont des musulmans. Bon, ben, ces gens-là, ils arrivent depuis leur pays d'origine avec leurs convictions, qui sont, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, qui sont quand même très arrêtés sur toute une série de sujets. Et Macron s'en porte très bien, hein. Ce n'est pas quelque chose qui l'empêche de dormir. Donc si Macron était sérieux en termes de lutte contre l'islamisme, première chose qu'il ferait, c'est arrêter toute forme d'immigration non européenne. Voilà, c'est la première mesure à prendre, c'est très facile. Il donne un coup de téléphone à Darmanin et il dit « voilà, tu me suspends absolument toute délivrance de visa ». Voilà, du jour au lendemain, on passe de centaines de milliers de nouveaux venus exotiques à zéro, ou pratiquement zéro. Et on regarde un peu ce qui se passe dans les villes de France et de Navarre. Bon, c'est pas du tout ce qui se joue, donc Macron, le séparatisme musulman, il s'en fout. Par contre, il a besoin des votes, et il fait ce que j'ai dit. Donc effectivement, je suis totalement d'accord avec Porovitch, c'est de la poudre de perlimpinpin pour abuser les gogos. Je m'empresse de dire que ça marche, évidemment, ça marche. On a toujours des clients pour ce type d'opération de manipulation de l'opinion. Et l'objectif de Marlène Schiappa était très clair, c'était de démarcher, parce que quand elle insiste lourdement sur les fiottes, elle a quand même une idée en tête, hein, et le fait que Macron ne la reprenne pas, il y a aussi une idée, bien évidemment, en tête. Et les mecs se disent très simplement, bah, de toute façon, si au deuxième tour on est face à Marine Le Pen, les bougnoules voteront pour nous. Les bougnoules voteront pour nous, parce qu'ils ne vont pas voter Marine Le Pen. Hein, la dinde va pas fêter Noël. Donc voilà. Donc c'est voilà, on est là-dedans, mais en termes pratiques, en termes réels de lutte contre l'expansion de l'islam radical, oui, il se passe rien. Rassurez-vous, enfin rassurez-vous entre guillemets. Hein. Les couteaux de la paix vont continuer à assassiner du couffard de temps en temps. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Je n'ai pas parlé de la situation à Strasbourg, on y reviendra un petit peu après dans l'émission, donc ce n'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur ce prêche en faveur de l'anal dans les mosquées? Non? Non? Voilà, bon, on a fait le tour du truc. C'était intéressant. Alors, deuxième point, toujours dans l'autisme radical. Là, c'est quand même pas mal aussi. Hein. Là, je vais citer le Huffington Post. Alors, vous savez que Emmanuel Macron, en tant que président de la République, mais plus généralement l'État français, la République française, est ambitieuse. On a de grandes ambitions, notamment au plan de la diplomatie. Hein. Donc, la France, ces dernières années, depuis on va dire une décennie, s'est fait beaucoup d'ennemis quand même, hein, à travers le monde, hein, avec une politique étrangère très très agressive. Avec bon, ce qui laisse songeur hein, quand on voit la façon dont elle administre les populations qui sont sur son sol. Bon, voilà. Mais bon, ça n'empêche pas de tenser des nations entières. Et là, il y a une nation qui s'est fait menacer très très clairement, plus particulièrement par une secrétaire d'État qui s'appelle Moreno. Alors, vous ne la connaissez probablement pas, c'est une femme noire, hein, c'est une femme noire originaire du Cap-Vert, à laquelle il manque un œil, bon, et qui, alors, quand elle lutte pas contre les Blancs, c'est-à-dire contre les Français de souche qui lui ont permis de devenir ministre, hein, somme toute quand même, ou sous-ministre, eh bien, elle a d'autres projets, elle a des projets, notamment vis-à-vis de la Pologne. Et c'est lors d'une interview avec le Huffington Post qu'elle a expliqué ses projets et les projets de La République En Marche et du gouvernement français vis-à-vis de la Pologne. Un projet très agressif, attention, hein, je vous avertis. Alors, ça commence sur la thématique, comment dirais-je, le sida à l'école. Alors, voici le début de l'interview. Alors, donc ça, c'est le journaliste qui pose la question. Concrètement, que peut faire le gouvernement pour améliorer leur inclusion, donc comprendre des homosexuels et des travelos à l'école, donc, et lutter contre le harcèlement scolaire? Réponse donc de Moreno. La première chose à faire est d'aider le corps enseignant à se saisir de ces questions. C'est ce à quoi nous nous attelons avec Jean-Michel Blanquer. Il y a encore 10 ans, ne parlez pas ou peu des questions LGBT+. À l'école, certains professeurs n'ont jamais entendu parler de ces sujets dans leur formation et ne savent pas comment s'y prendre. Il faut donc trouver les bons outils pour parler sereinement de ces questions sans choquer. Le ministère de l'Éducation nationale va créer un site internet dédié qui s'appelle « Éduquer contre les LGBT-phobies ». Donc, je pense à l'école maternelle même, hein, ça doit être inclus. À destination du corps enseignant pour la prochaine année scolaire. Nous avons également décidé de rédiger un guide d'accompagnement dédié aux personnes trans, ah ça c'est important, après le drame de Lille où une collégienne trans, donc un collégien quoi, s'est suicidée en décembre dernier et face à la souffrance des enfants trans à l'école, donc des enfants trans, hein, il faut se rendre à l'évidence, l'école n'est pas suffisamment équipée hein, donc pour promouvoir le changement de sexe donc des petits garçons. Alors ensuite, on enchaîne. Êtes-vous favorable à ce que les élèves trans puissent utiliser leur prénom d'usage à l'école, au collège et au lycée? Réponse. Bah, personnellement, je pense que nous devons permettre aux élèves trans d'utiliser leur prénom d'usage sans qu'il soit nécessaire de toucher à l'état civil, que ce soit à l'école, au collège et au lycée. Et c'est ce qui est d'ailleurs prévu dans le cadre de notre plan LGBT+. Montrer à la personne qu'on la reconnaît et qu'on accueille sa transition, c'est aussi lui donner la possibilité d'utiliser son prénom d'usage. Beaucoup de collèges et de lycées se demandent si les enfants sont capables de reconnaître leur identité de genre à cet âge-là, mais on parle d'un prénom, pas d'un changement d'état civil. Pour moi, ce sera Adolphe, pour le coup. J'aimerais qu'on m'appelle Adolphe. Ah ouais, mais c'est le même sexe. Voilà. Eva. Eva, d'accord, Eva. Il y a aussi, je trouve moi assez étonnant qu'on n'ait pas encore baptisé des collèges ou des lycées, notamment de Seine-Saint-Denis, du nom de militants homosexuels. Je suis sûr que ça pourrait fonctionner, je ne sais pas, une petite suggestion. Alors j'en viens maintenant à la Pologne. Voilà, donc vous savez, c'était une discussion donc avec la secrétaire d'État qui est très soucieuse hein, donc de déguiser les petits garçons en petites filles pour satisfaire des homosexuels adultes. peut-être matière à réflexion là-dessus. Donc, nouvelle question. Votre collègue Clément Beaune, hein, qui en est, hein, faut le savoir, n'a pas pu se rendre dans une des 80 zones dites sans idéologie LGBT en Pologne. L'accompagnerez-vous la prochaine fois ? Donc, en Pologne. Alors, oui, nous irons en Pologne, ensemble, dès que ce sera possible. Cela fait partie de mes premiers échanges avec lui, et c'est l'une de mes priorités. Donc, d'envahir la Pologne. Hein. En ce qui concerne les droits humains, nous ne pouvons pas accepter en Europe de recul. Si le gouvernement polonais ne respecte pas les libertés, les droits et les valeurs de l'Union européenne, il faut regarder comment sanctionner, notamment financièrement. Alors, enfin, la discussion se termine, et elle se termine très bien, vous allez le comprendre. D'ailleurs, avez-vous eu gain de cause sur la panthéonisation de Gisèle Halimi, donc féministe juive ? Pas encore, mais je suis quelqu'un de très optimiste. Je n'abandonnerai pas parce que je trouve que c'est juste. Sur les 80 personnes au Panthéon, il n'y a que 5 femmes. Je crois que c'est assez parlant. Voilà. Donc, elle a montré patte blanche, sans mauvais jeu de mots. J'aime bien les jeux de mots que cette Moreno, ou cette mort, en fait, du Cap. Alors, messieurs, nous allons envahir la Pologne. Nous allons l'envahir pour faire respecter les libertés, les droits et les valeurs de l'Union européenne. Puisqu'apparemment, habiller les petits garçons de 7 ou 8 ans en filles pour permettre à des homosexuels de 40, 50 ou 60 ans de voir un rêve se réaliser, eh bien, nous allons envoyer une délégation diplomatique sur place, pour s'assurer que ça soit mis en place en dépit de la volonté du gouvernement polonais en Pologne. Donc, je vois là l'esquisse, apparemment, d'une espèce d'administration parallèle de la part du gouvernement français et de la présidence Macron. Nous allons avoir une espèce d'administration coloniale LGBT, dirigée donc par une négresse du Cap-Vert. Bon, qui... On sortait du Myanmar hein, récemment, vous avez vu hein, Macron a vertement tensé le Myanmar, bon, on a aussi d'autres fers au feu, hein. On a la Syrie, la Libye, enfin, on a beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, je trouve que c'est pas mal, après que la Pologne s'est fait envahir par des panzers, des chars allemands, maintenant ça va être les chars de la Gay Pride. Il n'y a pas de doute, hein, on est bien en démocratie, c'est comme d'habitude, c'est grotesque. Ah mais ils ont l'air de le prendre très au sérieux pour le coup, hein. Ils trouvent pas ça grotesque du tout, hein. Oui, ce sont des gens un peu différents. Ah ouais, on dirait, hein, on dirait. Et ça fait bien le lien avec le projet pour l'école. Ils ont un projet pour l'école aussi, donc dont elle parlait. Hein. Elle a dit voilà, la promotion de l'homosexualité à l'école, c'est le programme. La promotion du travloïsme aussi, c'est le programme. Donc, ça c'est pour l'école française. Moi je me disais tiens. On pourrait peut-être essayer de voir si on peut apprendre le français à des élèves en France, mais non, apparemment, c'est pas la priorité. Mais non seulement ça, mais aussi en Pologne. Hein, donc, on voit grand en France. Qui d'autre sur ces valeurs très positives ? Alors, je sais pas. Bon, l'Union européenne, au départ, quand les Polonais ont signé le papier, en 2004, puisque les Polonais ont rejoint l'Union européenne en 2004, quelqu'un a oublié de leur dire que transformer les petits garçons en petites filles était... un point non négociable de l'adhésion. Alors ça doit être quelque part dans le traité, moi je sais pas, j'ai pas la partie hein, où c'est évoqué, mais apparemment c'est un point non négociable. Elle le dit, voilà, c'est les valeurs de l'Union européenne. Alors les valeurs, ça c'est très flou. Et les libertés, dit-elle. Alors bon, c'est bon. Donc voilà, bon bah ils découvrent hein, les Polonais, on va leur expliquer, hein, on va leur expliquer comment les choses doivent fonctionner chez eux. Je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Quelqu'un sur ce programme de rééducation ? Rendre les enfants pédés dans un pays, légaliser ça, le normaliser, c'est entrer dans la civilisation. Si tes enfants ne sont pas des gros pédés, tu fais partie d'un peuple encore barbare. Donc il faut, voilà, il faut travailler dessus, il faut civiliser. Il faut civiliser, ouais. Peut-être. Quand j'écoute Richard Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Là, c'est maintenant, quand on écoute Clément Beaune, on a envie de soumettre à la Pologne. Là, ça a changé. Voilà. Non, mais oui, c'est sûr que quand un enfant, c'est le propre de la jeunesse de s'interroger, de savoir, on ne sait pas exactement qui on est, on ne sait pas de quoi notre avenir sera fait. Donc l'enfance est marquée par un certain nombre de doutes, mais là, un enfant qui se sentirait, un garçon qui se sentirait fille, de lui dire non, non, mais t'inquiète pas, tu seras vraiment une fille, on va t'appeler avec un prénom de fille, plus tard tu deviendras une vraie fille, enfin, je veux dire, c'est criminel, quoi, parce que. Un des apprentissages de la jeunesse, c'est précisément d'accepter qui on est. C'est pas de vouloir changer son identité, c'est absolument impossible. C'est contre nature de vouloir les encourager à faire ça. Oui, et puis je pense qu'il y a une bonne dose de cynisme, vous savez. Ils prennent des cas comme ça, comme ce collégien-là, qui s'est suicidé. Mais je vois pas en quoi le fait qu'on les déguise en travelots pour en fait servir ces enfants-là comme de la chair fraîche à des gens, à des homos qui seront en fait pédophiles, va les aider à être dans un meilleur état psychologique. Je pense au contraire que ça va être pire. Vous voyez? Parce que quand ils vont se retrouver avec un anus artificiel à 18 ans, je suis pas sûr que ça va leur éviter le suicide. Je pense que ça va les envoyer droit dans le mur. Donc même quand on prétend aider ces gens-là, en vérité, on leur fait du mal, en plus de détruire la société. Oui, c'est ça en fait, mais ça c'est toute l'idéologie des C'est marges. profondément cynique. Oui, c'est l'idéologie des marges, c'est-à-dire que les marges restent minoritaires, mais prétendent devenir majoritaires. C'est ce qu'on vit en ce moment. C'est l'idéologie, bon, c'est des choses qui sont, c'est un sujet qui est régulièrement abordé, la tyrannie des minorités. On est dans un système de tyrannie des minorités, et ça ne marche que par du réseau. Ça ne marche parce que c'est ça. Hein. Le gouvernement français s'est pas soudainement découvert une passion pour les travelots. C'est qu'en fait, vous avez derrière ça un lobby très actif qui effectivement est représenté par des hauts fonctionnaires, par des ministres, par comme Beaune là, hein, qui est un militant homosexuel très clairement et qui utilise sa fonction pour promouvoir l'impérialisme gay de San Francisco. On a bien compris ce que ces gens essayent de pousser. Et ils ne s'arrêteront pas. Et ils sont en train d'entraîner, et c'est ce qu'on voit, hein, ils sont en train d'entraîner la diplomatie française dans des confrontations de plus en plus nombreuses et de plus en plus dures, avec de plus en plus de nations et d'États en Asie, en Europe, en Amérique du Sud et ailleurs, parce que vous avez un petit groupe de sodomites, ces gens, on les connaît, sont très hystériques, hein, bon, ils sont quand même très féminins, ils sont très hystériques, ce sont des gens qui veulent absolument aller, très hystériques, très agressifs, qui veulent constamment créer des tensions, et le problème, c'est qu'il n'y a aucune espèce de résistance. Il n'y a personne au Quai d'Orsay pour dire ça suffit. Pour une raison simple, le Quai d'Orsay, qu'on devrait rebaptiser le Gay d'Orsay, a été colonisé par le lobby LGBT. De très nombreux diplomates sont des PD. Donc ils sont jugés partis. Et ils ne défendent plus les intérêts français, ils défendent les intérêts du lobby anal. Voilà, c'est ça qui se passe en réalité, et nous nous retrouvons embarqués dans ce truc. Voilà, donc, mais ça fait le lien. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle de ce truc-là en Pologne? Parce que c'est énorme. Je veux dire, c'est énorme. C'est une ingérence. C'est une ingérence. Et pourquoi? Littéralement, pour transformer les gamins en travelots. Donc, on en est à ce niveau d'ingérence. Je veux dire, même il y a 10 ans, quand on faisait de l'ingérence en Syrie, c'était encore soi-disant pour je sais pas quoi, la démocratie. Bon, là, on en arrive, si vous voulez, on sent qu'on est vraiment sur la fin de la fin. Hein. C'est la fin de la queue de la comète, là. Hein. Du droit de l'hommisme, j'entends. Mais ces gens-là continuent. Hein. On est là-dedans. Donc, on fait de l'ingérence. Hein. On fait de l'ingérence en Pologne. Voilà, les fiottes, trucs. Et on va parler un peu de la Chine. Mais regardez, pratiquement aujourd'hui, parce que tous ces gens-là se définissent comme progressistes, surtout Macron. D'ailleurs, lors des élections européennes, il avait dit, voilà, la ligne de fracture, c'est nationaliste contre progressiste. Et en fait, quand vous évaluez le progrès tel que le conçoivent ces gens-là, cette bourgeoisie au pouvoir, bah, c'est sûr, grosso modo, ça se mesure sur l'élargissement des anus. Mais en termes de prospérité économique, de prospérité des nations, en termes de progrès technologique, il n'y a rien. Ces gens-là n'ont rien à proposer. D'accord. D'ailleurs, vous regardez la situation française. On est un pays qui est criblé de dettes. La dette est totalement hors de contrôle. C'était encore dans la presse cette semaine. Je veux dire, c'est admis par les médias. On voit que la France est en train de s'effondrer sous ses dettes. Il n'y a aucune fin en vue. Quand on s'intéresse à l'éducation en France, on voit que le niveau est en train de s'écrouler littéralement. Et qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une espèce de négresse du Cap-Vert qui est une pièce rapportée, qui, quand elle n'est pas en train de cracher sur les Blancs, est en train d'expliquer que comment les Polonais vont devoir gérer leur affaire, quand c'est pas, oui, mais la priorité en France, c'est de transformer les petits garçons à l'école en PD. Ben non, c'est pas ça la fonction d'un collège, c'est pas ça la fonction d'un lycée. Et il n'y a personne pour la recadrer, à commencer par Macron, qui soutient à fond ce programme de dégénérescence totale. Donc c'est lui-même est un PD, hein. Ça, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que sa politique est complètement folle, quoi. Et sa politique est folle, elle est soutenue par un appareil d'État qui est devenu complètement fou. Et quand Marlène Schiappa va faire son numéro, elle provoque les... Parce que c'est ça qu'elle fait, elle provoque les musulmans. Alors, comme leur but, moi ça me fait marrer, mais leur but à eux, c'est pas de provoquer les musulmans, c'est soi-disant de les contrôler. Bon, mais à cause du lobby des fiottes, ils multiplient les provocations, donc ils provoquent les musulmans en France, ils provoquent les Polonais chez eux. Demain, on va provoquer je ne sais pas quelle nation en disant « Comment se fait-il, vos gamins ne peuvent pas se faire enculer par des vieillards lubriques ?» Enfin, c'est de la folie furieuse, voilà. Mais ça, c'est la France 2021, dite progressiste. En plus, il y a une terreur totale, on ne peut même pas le critiquer, on ne peut même pas dire qu'est-ce que c'est que ce truc... Cette obsession sodomite. Vous voyez, si vous dites ça, vous êtes traîné devant les tribunaux aujourd'hui en France. On en est à ce niveau de terrorisme. Oui, une petite remarque sur la relation avec la Russie. Le Drian a dit aussi que le Sputnik News, le Sputnik, pas News, mais le vaccin Sputnik était une arme diplomatique perverse ou quelque chose comme ça, perfide, qu'utilisait la Russie. Peut-être, mais dans ce cas-là, qu'en est-il de ce qu'eux, ils nous imposent en matière de terreur sanitaire et de restrictions et de menaces si jamais on ne se fait pas vacciner, etc. Enfin. Ouais, je voulais juste ajouter à la limite, oui, de toute façon, l'idéologie en soi de fiotisation générale, c'est martelé par des gens qui sont de toute façon malveillants, parce qu'on se rendra compte que quand on fiotisera des gamins, c'est sûr, si ça mord un petit peu, qu'il y a plus en plus de fiotisation à ce niveau-là, on sait d'avant, je pense, il y aura beaucoup de suicides en fait à rebours qui arriveront, et je pense que quand ça sera constaté, ça sera pas pris en compte, ça sera glissé sous le tapis et il faudra continuer à fiotiser. C'est pas comme si ils se rendaient compte au bout d'un moment, finalement les gens se sentent mal en devenant PD, on va arrêter. Je pense que ça n'arrêtera pas, donc l'intérêt il est forcément ailleurs. Ah bah non, au contraire, ils vont se frotter les mains. Quand les gamins vont se suicider en masse, ils vont dire, vous voyez ce que ça fait, les discriminations ? Il faut qu'on en fasse encore plus. Ah oui, ils feront comme ça, certainement. C'est qu'ils ont été persécutés. Ouais. Ils sont d'un cynisme absolument incroyable. Hein. Oui, clairement, oui. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà. Bon, le programme, en tout cas, il est clair. Mais il y a une cohérence idéologique. Parce qu'en fait, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que nous n'avons plus des États, enfin nous n'avons pas un État rationnel qui ferait la part des choses. En fait, je trouve que nous avons un État très peu laïque. C'est ça qui est intéressant sur les deux sujets que j'ai abordés. Donc on se gargarise de laïcité. En fait, on l'utilise très fréquemment en ce moment. En fait, pour parler d'islam en réalité, quoi, en disant voilà, il faut contenir l'influence islamique dans la société, etc. Et on nous dit voilà, la laïcité, l'État laïque, la République. Mais moi, je trouve que cette République est de moins en moins laïque. Je ne crois pas du tout que cette République essaye d'être neutre dans son administration des populations, dans sa conduite des affaires, de moins en moins. Il y a une véritable idéologie, pour ne pas dire une véritable religion, qui s'est greffée dans la conduite des affaires de l'État, et on le voit à la fois en politique intérieure et en politique extérieure. Donc maintenant, si vous voulez, c'est pas juste de dire, parce que c'est comme ça qu'on a vendu en fait l'homosexualisme dans les années 80 et 90, avec d'ailleurs le sida pour victimiser les fiottes, alors que ces gens-là se surenculaient en se sachant malades, hein. Donc ça n'a jamais été des victimes, mais on les a victimisés en disant « Ah, il faut quand même que les gens puissent avoir leur vie sexuelle, etc. » C'était un faux débat, puisque c'était pas comme si l'homosexualité était virulemment combattue avant les années 80. C'est totalement faux. Il y avait beaucoup de personnalités, notamment dans le monde des lettres, qui étaient homosexuelles, c'était connu, c'était notoire, et je veux dire, il n'y avait jamais aucune espèce de conséquence je veux dire, au plan politique. Hein, bon, pas citer tous les homosexuels qui étaient connus comme écrivains, mais bon, c'était un non-sujet, quoi. Et soudainement, on nous a dit, mais si, c'est grave, ils sont persécutés, etc., il faut qu'on fasse une législation pour les protéger. Et les gens, dans leur naïveté, ils se sont dit, ben oui, après tout, pourquoi on leur veut pas de mal, ou je ne sais. Et ils se sont dit, ben voilà, on va juste les laisser mener leur vie. Mais ils menaient déjà leur vie, comme j'ai dit. Donc en réalité, le véritable objet, ce n'était pas de laisser ces gens-là vivre leur turpitude sans craindre de persécution, parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas de persécution contre les homosexuels en France. En réalité, c'était d'imposer l'homosexualisme comme religion d'État, à côté d'ailleurs d'autres éléments d'une religion plus globale, en fait, hein, avec la Shoah tout en haut, en gros, hein. D'ailleurs, dans la Shoah, c'est très intéressant, je trouve que le culte de la Shoah, qui est la véritable religion d'État de la France, comporte justement une sous-fraction homosexuelle, vous savez, avec le triangle rose. Donc chacun a son petit triangle, vous voyez, et vous êtes éligible si vous avez un petit triangle. Et parmi ça, il y a les fiottes. Et donc, les fiottes, depuis les années 80, ne militent pas pour avoir le droit de mener leur vie sexuelle, ils militent pour imposer l'homosexualisme comme normalité et l'hétérosexualité comme une anormalité à combattre, sous prétexte que les hétérosexuels opprimeraient les homosexuels. Et on se retrouve aujourd'hui face à ce lobby homosexuel, ce lobby aussi des travelots, qui veut imposer cette véritable vision des rapports humains dans la sphère politique. Et là, nous avons véritablement un problème. On a un véritable problème, puisqu'en fait, on a affaire à des gens qui sont prosélytes. Donc, nous n'avons pas un État laïque, ça fait un moment qu'il n'existe plus, nous avons un État prosélyte, et qui essaye d'imposer toute une série de choses, mais parmi lesquelles, évidemment, l'homosexualisme ou le LGBTisme. Voilà. Et c'est non seulement vrai en France, où on voit que l'État déborde complètement de sa fonction, c'est avec Marlène Schiappa, c'est ça. C'est, voilà, l'État dit, voilà, vous allez prêcher ça, vous les imams. Vous allez dire ça dans vos prêches. Voilà, il y a une volonté de réinterprétation du texte coranique pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Voilà. Tout d'un coup, les fiottes s'improvisent, savants musulmans. Mais c'est même pas que ça. C'est ensuite en Pologne. On va aller envoyer des délégations diplomatiques de premier rang dans les villes polonaises contre la volonté des autorités polonaises pour expliquer aux Polonais comment ils doivent vivre leur vie sexuelle, comment leurs enfants doivent être éduqués, quel doit être leur rapport à l'homosexualité, etc. Nous ne sommes plus du tout dans le droit, la différence, c'est plus du tout ça. C'est du prosélytisme très agressif. Et là, je crois que on fait face à un vrai problème, parce que ça va devenir de plus en plus envahissant, quoi. Et le problème, le double problème, c'est que si vous voulez dire stop, vous dites voilà, on arrête maintenant avec ce truc. En France, et même au niveau de l'Union européenne, vous êtes criminalisé au sens strict. On vous amène devant devant des magistrats, on vous fait condamner éventuellement même à de la prison. Parce que vous n'avez pas le droit de vous opposer au prosélytisme sodomite. Vous comprenez ? C'est pas simplement, oui, j'ai le droit d'exister. Non, c'est plus du tout ça. Je veux la séparation de l'anus et de l'État, s'il vous plaît. Mais bah, bizarrement, il parlait de droit individuel, mais qu'il faut absolument défendre. Mais la liberté d'opinion et le droit à la sécurité et à la légitime défense n'en font pas partie. Hein. Par contre, se faire enculer, oui. Totalement. C'est tout un programme, hein, c'est toute une vision du monde. C'est toute une vision du monde qui est une et indivisible, à laquelle on n'a pas le droit de s'opposer. Vous avez vu comment ils parlent, hein, Beaune et tout, comment Moreno parle, les Polonais qui disent... Alors que la société polonaise n'est pas demandeuse. Elle n'est pas demandeuse, je veux dire, elle n'est pas demandeuse. Et les gay prides ne sont pas interdits en Pologne. Hein. Vous pouvez faire des gay prides en Pologne. Hein. Y en a d'ailleurs, mais c'est très minoritaire et c'est très mal vu, à raison d'ailleurs. Mais on prétend défendre voilà, je sais pas quoi, les valeurs de liberté, etc. Alors effectivement, comme tu dis très bien, mais quand tu t'intéresses à d'autres valeurs de liberté, comme la liberté de ne pas finir assassiné chez soi par des clandestins que Macron aurait fait venir, là tout d'un coup, ah bah non, non. Vous êtes un homme blanc, prédateur, extrêmement dangereux, voilà. Moi, je pense, si vous voulez, qu'on a franchi la limite il y a très longtemps et que ça va se terminer très violemment, en fait. Parce que ces gens-là ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes. Ils s'arrêtent pas d'eux-mêmes. Ça s'accélère à une vitesse délirante. Bah là, ils en sont à vouloir recruter. Parce que c'est aussi pour ça qu'ils visent les écoles, hein. C'est pour en fait étendre statistiquement le nombre de fiottes. Hein. C'est aussi un calcul politique. C'est-à-dire que en transformant les gamins en fiottes, ils recrutent. Et il y a un calcul derrière ça. Enfin, c'est vraiment de l'évangélisme, quoi. On sait que les victimes de pédophilie ont statistiquement plus de chances de devenir pédophiles eux-mêmes. Ah ben bien sûr. Eh ben oui. Tous les pédophiles sont des gens qui ont été violés quand ils étaient gamins, hein, par des hommes. Ah hein. Oh, pas tous, mais oui. Très fréquemment. Quand même. Hein. Très très fréquemment, c'est très très. Il n'y a pas que le sida qui se transmet par l'anus. Hein. Tout à fait. Enfin bon, voilà. Bon bah alors la politique d'Emmanuel Macron. Alors par contre, ça c'est fascinant aussi. Quand on s'intéresse vraiment aux questions dures pour le coup, chômage de masse, endettement, taxes, impôts. Infrastructures, tout ce qui est sanitaire, là, curieusement, ça se bouscule pas tellement. Hein. Il y a beaucoup moins d'imagination sur ces questions-là. Vous remarquez ça ? C'est que plus cet État sombre dans l'incurie, plus sa bureaucratie pléthorique est impuissante à prendre des mesures même élémentaires, plus on en fait des caisses sur des sujets absolument marginaux et insanes, comme ce genre de truc-là. C'est frappant, c'est évident qu'ils essayent de saturer l'espace médiatique par le terrorisme anal, parce que vous n'êtes pas autorisé à broncher, hein, vous n'avez pas le droit de répondre, et pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais sujets. C'est évident, quoi. C'est évident que c'est une stratégie. Ça même rappelle si... beaucoup Byzance et les discussions sur le sexe des anges. Hein. Oui, bah là, ils ne parlent pas du sexe des anges, là, ils parlent du sexe des enfants. C'est le sexe des enfants, oui. Voilà, c'est... De toute façon, quand les homosexuels commencent à s'intéresser, parce que c'est ça, là, ils nous le disent, hein. Voilà, c'est... Mais ça, c'est fatal. Parce que c'est... L'homosexualité et la pédophilie sont liées. Vous voyez des militants homosexuels qui sont très, très, très, très soucieux de la sexualité des enfants. Moi, je vous dis, pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour voir que nous avons là des gens dans les ministères qui ont des intérêts très étonnants. Ah, il faut connaître son histoire, il faut connaître les Grecs, il faut connaître l'histoire de la pédérastie. Dans d'autres cultures, et on voit toujours que homosexualité et pédérastie sont liées. Toujours, toujours, toujours. Fulbert ? Oui, je voulais simplement, je disais simplement Sodome et Gomorre, retour. Ouais, le retour de la vengeance. Bah, ça serait bien qu'ils se prennent la foudre, hein. Et être transformé en statue de sel, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, ouais. L'odeur de l'anus des enfants qui guide la politique française. Ah bah écoute, oui, jusqu'en Pologne. Faut se souvenir de cette tribune hein, qui avait été publiée là, dans les années 70 où il réclamait la légalisation de la pédophilie. Hein. Et tout le milieu était là, les gauchistes, les féministes, les pro-homo, hein, tous ils ont signé. Oui, d'ailleurs, il n'y a jamais eu de mea culpa de la part de tous ces gens-là. Hein. Non, ils sont là, très nonchalants. Je me souviens d'une intervention de Jacques Lang, grand pédophile devant l'Éternel. Oui, non, mais c'était une autre époque, vous comprenez. Oui, je vois pas en quoi, enfin, je vois pas ce que ça change à 40 ans de distance, le fait de vouloir sodomiser les enfants. Excuse-moi. Surtout dans le contexte idéologique actuel, faire croire, oh non, c'était une autre époque. Vous rigolez ou quoi? Vous avez vu les idéologies que vous poussez là, en ce moment, là? Non, mais attendez. Ouais, et si vous remarquez, et ça c'est intéressant, le cas Cohn-Bendit mérite d'être souligné. Parce qu'il est Cohn-Bendit est complètement blacklisté maintenant en Allemagne, hein. Il ne peut plus foutre un pied nulle part, tout le monde le traite de pédophile, quoi. À cause de toutes les casseroles qu'il a là-bas, quoi. Et en France, il est protégé. D'ailleurs, il est reçu à l'Elysée, ce qui est quand même marrant, je veux dire. En 68, il criait élection, piège à con. Maintenant, il est sur tous les marchés de France et de Navarre en train de pousser ses candidats quand il n'est pas reçu par Macron à l'Elysée. Il a encore la radio. Et donc, c'est la rebellocratie. Hein. C'est la rebellocratie, effectivement. Et ce type-là n'a jamais eu en France à rendre de compte sur ses... Alors, pour le coup, là, c'est même pas un malentendu, un quiproquo. C'est quelqu'un qui, chez Pivot, a revendiqué sa pédophilie. On a les images. Bon, et moi je vois qu'on nous dit, voilà, vous savez, il y a des casseroles qui sortent disant, tu sais, un tel a violé un tel, Gérard Depardieu aurait violé une nana, et l'autre, il aurait, là c'était Pierre Ménès cette semaine qui aurait essayé d'embrasser, je sais pas quel, bon, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je dis pas d'ailleurs que ce gros porc a raison d'essayer d'embraser de force une nana. Bon, maintenant elle le sort et tout, est-ce qu'elle a pas une idée en tête et tout, j'en sais rien. Mais parce qu'il y a beaucoup de calculs aussi dans tout ça, bien sûr. Il y a PPDA encore récemment, dont on sait que le type est un séducteur. Enfin, je veux dire, PPDA est un... Patrick Poivre d'Arvor est un homme... je veux dire, c'est un homme cultivé, il a du charisme, il était très célèbre. Bon, on va pas me faire croire qu'il a eu besoin de violer des jeunes filles. C'est grotesque. C'est grotesque. Donc, tout ça est monté de toutes pièces, mais soudainement, c'est des sujets, quoi. La presse se déchaîne, on livre en pâture des personnes dont on sait, selon toute évidence, comme Patrick Poivre d'Arvor, qui sont innocents, mais curieusement, des gens qui ont revendiqué leur pédophilie, qui sont très souvent des juifs, mais bénéficient d'une immunité absolument confondante. Bon, un des plus éminents, c'est Polanski. Hein. Polanski, lui, il a carrément été protégé par la diplomatie française. C'est-à-dire que quand les Américains ont voulu le faire extrader pour l'interroger sur son rôle après avoir drogué une gamine de 13 ans, je crois, pour la sodomiser, tout d'un coup, on a vu Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, la grande référence de la droite, hein, Alain Finkielkraut, hein, académicien. Ouais, je veux dire, bon, s'il est académicien, tout le monde peut l'être, hein, je veux dire. Bon. Ils sont tous sortis du bois en disant « comment, scandaleux, etc., c'est pas possible ». Bah oui, droit divin, apparemment, c'est autorisé, quoi. Charrer, c'est permis. Voilà. Bon. Cohn-Bendit est en circulation, il n'y a pas de comptes qui sont demandés, bien, et il n'y a pas de mystère sur le sujet, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est des revendications. Mais il y a encore plus paradoxal, c'est Diabolix nous a rejoint. Salut, oui, excusez-moi, je fouettais des chiens sunnites que nous avons capturés. Ah, c'est ça, on voulait solliciter ton exégèse, ta sapience sur une question religieuse. On avait besoin d'une autorité religieuse. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu voulais dire sur tout ça là, Mais le paradoxe qui est absolument fou et qui, quelque part, bon, c'est tragique, soyons clairs, mais quelque part, ça me fait rire, c'est extraordinaire. La communauté LGBT française, on va pas. Je vais simplement prendre le côté français des choses, quoi, qu'on pourrait parler du niveau européen, mais prenons uniquement le côté LGBT français. C'est quelque chose qui a été développé, entretenu, et surtout, et j'insiste bien, financé par l'équipe Pierre Berger-Yves Saint-Laurent. En fait, à l'origine plutôt par Pierre Berger, parce que c'était lui qui avait qui tenait la caisse. Et Yves Saint-Laurent, bon, bah, je vous laisse voir sur Internet. Bon. Mais ce qu'il y a de paradoxal, c'est que ces gens travaillaient dans la mode et que ces gens avaient une telle détestation des femmes qu'ils en étaient arrivés sur leur podium à faire défiler des gonzesses qui étaient squelettiques, parce que toute la beauté du corps féminin, c'est quelque chose qui les fout en rage, parce qu'ils ne pourront jamais être une femme, même avec toute la chirurgie, les médocs, les traitements, tout ce que vous voulez. Donc en fait, ces gens, par une haine totale de la femme, sont arrivés à obliger les mannequins à être des individus filiformes. Ils ont fait leur pognon avec l'argent des rombières qui achetaient leurs robes, et avec ça, ça leur a permis de financer cette pourriture de communauté qui, soyons très clairs, il faudrait les atomiser, mais alors, et je suis encore extrêmement soft, à partir du moment où on sait très bien le développement que c'est en train de prendre. Et j'aurais tendance à dire que le côté pédophilie, ça va encore être très soft, parce que ces gens sont dans un délire qui n'a plus aucune limite, mais plus aucune. Donc, oui, effectivement, ils finiront par se taper les petits-enfants, c'est déjà le cas, hein, il ne faut pas se leurrer, mais modifions-les chirurgicalement tant qu'on y est, hein, ils vont arriver. Ces gens n'ont aucune... Ils n'ont pas de limite. Tout leur est permis, c'est la liberté d'imagination. Alors maintenant, c'est la liberté d'imagination avec tout ce que va offrir la chirurgie, les nouvelles technologies et le reste. Donc on va vers un monde qui est... Enfin, j'espère bouffer les pissenlits par la racine avant de voir ça. Mais à moins que ça ne change demain, ça nous promet un futur particulièrement sympa. Bon, mais le financement de tout ça, et c'est ça qui est paradoxal, ce sont toutes les nanas qui voulaient épouser des chefs d'entreprise pétés de thunes et qui pour ça voulaient la dernière robe à la mode, les derniers hauts talons à la mode, qui, et tout ça a été gentiment fabriqué par les tantes et les homos. Et il faut pas se leurrer, une grande partie de l'industrie, des produits de beauté et de l'esthétique ont été le lit des homosexuels, et assez paradoxalement aussi, notamment pour L'Oréal, le lit des anciens collaborateurs de Vichy, qui étaient bien planqués dans une zone où on n'allait sûrement pas aller les rechercher là, puisque c'était censé être le paradis des fiottes. Mais comment dire, on parlait un peu de ça en amont avant que tu interviennes, donc je voulais quand même avoir ton opinion là-dessus. Je faisais état, en fait, d'une secrétaire d'État française, entre guillemets, originaire du Cap-Vert, noir comme du charbon, auquel il manque un œil, qui a déclaré donc dans une interview au Huffington Post, donc un média de gauche, dirigé par Anne Sinclair d'ailleurs, hein, c'est pour ceux qui auraient des doutes sur la coloration hébraïque du truc. Hein. Sinclair, c'est pas son vrai nom. Oui, c'est Schwartz. Hein, c'est Schwartz. Voilà. Anne Schwartz, ancienne épouse de Strauss-Kahn. Hein. Cher Diabolix, cette secrétaire d'État Moreno expliquait qu'elle allait se rendre prochainement avec un autre ministre français qui appartient au lobby, Beaune. Il allait se rendre dans une des 80 villes polonaises où l'idéologie LGBT est officiellement proscrite, en expliquant en fait qu'ils allaient expliquer... Attends, non, mais vraiment, qu'ils allaient envoyer une délégation officielle menée par des ministres français en Pologne même, pour expliquer c'était dans une interview où elle parlait d'ailleurs, par ailleurs, de la nécessité de promouvoir la transsexualité des enfants à l'école, hein, je ne blague pas, et qu'ils allaient se rendre en Pologne prochainement pour expliquer aux Polonais comment administrer leurs affaires. Alors, je voulais ton avis là-dessus. Comment, toi, tu vois ce truc-là? Comment je vois ça? Ah, mais c'est très simple. Moi, je vois ça très bien. Je suis très positif sur la chose. ayant de nombreux amis polonais, je peux t'assurer que je suis très positif sur la chose. Parce que, à mon avis, le ministre de l'Intérieur de Pologne va expliquer à ses flics, à ses gendarmes, à ses unités de sécurité, qu'il y a des horodateurs qui risquent de virer au rouge à l'autre côté de la ville et qu'il faut absolument verbaliser les véhicules quand ces gens-là vont se retrouver en face du peuple avec pas un flic pour leur donner un coup de main. Ils vont vite comprendre que entre la politique, la théorie et la pratique, il risque d'y avoir un léger problème. Et je rappelle que les gens des chantiers navaux des chantiers navals de Gdansk, c'est pas des gars qui sont épais comme des tubes néons, et quand tu souffles dessus, ils dégagent. Quand t'as ça en face de toi et que tu te prends une mandale, ou bien tu fais partie du même gabarit, ou bien alors, t'es mort. C'est clair que... Mais ils vont se faire massacrer, ces mecs. Surtout qu'en plus, je parie que dans leur idée, ils vont en Pologne pour libérer les Polonais, alors qu'ils n'ont pas compris que ces gens, ils sont chez eux. Ils ont une revanche à gagner sur l'histoire depuis pas mal de temps. J'essaye d'imaginer l'image, ça va être génial. Alors, la secrétaire d'État est une négresse, hein. J'explique quand même. Hein. Oui, mais en plus, mais attends, écoute, déjà, essaye d'expliquer, je ne parle même pas des Polonais, je parle des Polonaises. Essaye d'expliquer à une Polonaise le LGBTisme. La nana, elle va d'abord te regarder. Ils sont très polis en Pologne, hein, donc ils vont t'écouter très longtemps. Et puis après, on va te dire non. Et comme ces gens sont toujours habitués à argumenter, parce qu'ils ont un message à faire passer et qu'ils sont sûrs qu'ils vont libérer ton mode de pensée, ils vont de nouveau entendre un non. Et à la troisième fois, ben, ils vont gentiment se faire dégager à coups de pompe. Et ils ne seront pas dégagés par des mecs, ils seront dégagés par des nanas, ils seront dégagés par tout le monde. La douce hypothèse du système européen qui consiste gentiment à importer sa merde à l'Est, il faut arrêter les mecs. Hein. Moi, je ne sais pas ce qu'ils fument à l'Élysée, je ne sais pas ce qu'ils fument à Bruxelles, à Berlin ou ailleurs. Mais il faut nécessairement qu'ils arrêtent. Parce que déjà, la majeure partie des peuples de l'Est vont gentiment, parce qu'ils savent que l'Europe va se casser la gueule. Donc, tant qu'il y a du pognon à prendre, ils vont en France, ils vont à Berlin, ils vont à Bruxelles, ils vont à Luxembourg, ils vont partout. Ils font du fric, ils jouent les mandailles pour pouvoir récupérer tout ce qu'ils peuvent gratter, ils le grattent. Mais ils rentrent chez eux, ils construisent leur baraque, ils ont leur culture, ils ont leur mode de vie. Si vous croyez une seule seconde que vous allez expliquer, je sais pas, mais on peut même déplacer le problème. Essaye d'imaginer que tu te trouves dans un pays comme la Bulgarie et que tu vas expliquer aux Bulgares qu'il faut qu'ils se convertissent au mouvement LGBT. Mais attends, les mecs qui vont faire ça, ça va être très chouette. Ils vont se retrouver pendus au réverbère des villages. C'est très démocratique, c'est très sympa, ça amuse les mômes, c'est décoratif. Ça, avec les morceaux qui tombent, ça nourrit les chiens. Donc voilà, c'est tout. Mais c'est, quelque part, je suis désolé, ça relève d'une certaine pathologie intellectuelle, mais qui remonte à des siècles, de croire que l'Ouest est une lumière et qu'ils doivent apporter cette lumière aux quatre coins du monde. Je vous rappelle quand même qu'on a colonisé l'Afrique pendant quelques siècles. Qu'est-ce qu'on en a tiré ? De la merde. Et tout ce qu'on leur a fourgué, qu'est-ce qu'ils en ont respecté ? Rien du tout. On pourrait poser la question à Fulbert. Quand la Belgique a décolonisé le Congo, c'était un pays dans lequel il y avait des routes, il y avait des ports, il y avait des infrastructures, il y avait absolument tout. Ces gars-là ont tout pété. Bon, et d'un autre côté, tu as à l'Est des gens qui ont eu l'occasion d'être dans un Tupperware pendant 40 ans à l'époque du communisme, qui ont une excellente éducation, d'excellentes valeurs, et qui ont eu l'occasion d'observer absolument tout ça. Quand vous ouvrez des bouquins d'économie de l'époque communiste, Vous avez les statistiques de Morgan, vous avez les statistiques de toutes les banques européennes. Ces gens étaient particulièrement bien informés. Alors, quand ils voient ce qui se passe et que, comme tu me le dis si bien, l'Europe de l'Ouest envoie ses prêtres LGBT pour aller expliquer comme c'est beau, comme c'est bien, etc., etc. Mais soyons très clairs, les gars, ces gens, ils ont les pieds sur terre, ils ont la tête bien faite, ils ne vont jamais accepter de devenir les barjots que nous avons en ce moment à l'Ouest. Jamais, c'est du flan. Alors, je précise, cher Diabolix, qu'il y a déjà eu une tentative, en fait, hein, et que le ministre Beaune en charge des affaires européennes, qui est aussi de la jaquette, a une première fois tenté, en fait, hein, de se rendre officiellement en Pologne, dans une zone, dans une des 80 zones officiellement recensées libres de l'idéologie LGBT, et qu'on lui a refusé l'accès au territoire polonais. Donc là, il y a une soif de revanche, et cette fois-ci, il n'y aura pas que Beaune, il y aura Moreno. Voilà, alors donc il ne désespère pas, et voilà, et donc je tenais à préciser ça. Hein, donc il y a déjà eu une première tentative récente. Mais oui, mais attends, ces gars-là vont arriver dans un État souverain qui leur a déjà expliqué, mais pour des tas de choses, pour des lois sur le travail, pour des lois sur l'industrie et autres, qu'ils n'en avaient strictement rien à foutre, qu'ils prenaient ce qu'il y avait de meilleur dans l'Europe, mais qu'ils laissaient joyeusement le reste sur la table parce qu'ils n'en avaient rien à faire. Les couillons qui se trouvent à Bruxelles comprennent parfaitement bien que ça ne va pas tarder à péter parce que plus personne ne veut de leur connerie. Et alors les autres, ils vont arriver et ils vont gentiment expliquer que, écoutez, on a essayé une première fois, vous n'avez pas bien compris, on va essayer une seconde. Soyons clairs, la seule chose qui va se produire, c'est qu'ils vont atterrir dans des hôtels qui, à mon avis, seront pas où ils ne sont pas véritablement bien reçus. Ils vont vider les minibars aux frais du peuple français, parce que de toute façon, les Polonais, il faudra qu'ils payent tout rubis sur l'ongle. On n'est pas en France. Hein. Quand tu arrives en mission diplomatique, tu payes. Et une fois qu'ils auront sorti leur blabla, ils remonteront dans leur avion. Les Polonais se taperont sur les cuisses en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces cons ?» Et puis c'est fini, c'est terminé. Et tu auras probablement payé par Soros ou par 3-4 organisations, je sais pas moi, tu auras peut-être 1000 connards. Sur les 1000 connards, tu auras peut-être 300 LGBT et les autres, on les aura payés pour faire le show, qui viendront agiter des petits drapeaux multicolores en disant « Donnez-nous la liberté ». Ça changera strictement rien. Strictement rien. Demain, tu vas dire aux Polonais, on vous suspend les aides européennes. Ben ok, qu'ils les suspendent. Il faut quand même se rendre compte d'un truc. Taper les États au portefeuille, ça n'a jamais, je dis bien jamais, marché. Je vous rappelle quand même que le pays qui d'ailleurs, c'est pas encore terminé, ça s'est allégé, mais ça c'est pas encore terminé. Regardez Cuba. À Cuba, ils ne pouvaient même pas exporter les timbres-poste. Il fallait nécessairement qu'ils soient oblitérés. Mais un timbre-poste sans oblitération, donc avec sa valeur faciale réelle, ils ne pouvaient même pas les sortir. Et bon, Cuba, ils sont toujours là. Et quand Fidel Castro est mort, il a été enterré en héros. Donc, l'idée qui à l'origine est l'idée américaine, hein, ça a été les champions du boycott. Hein, mais l'idée américaine, l'idée française, tout ça, faire des blocus, taper les gens au portefeuille, ça ne sert à rien. En tout cas, Diabolix, merci de nous avoir donné ton opinion, que je partage. Je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de Démocratie participative. On aura des choses à dire, toujours, notamment sur la politique étrangère. Et je pense que Diabolix aura des choses à dire, puisque ça va faire le lien avec ce que tu disais par rapport à Cuba, au boycott, aux appels à l'embargo, et là on va parler toujours de la diplomatie française, mais ça va concerner la Chine cette fois. Comme je le disais, la France a beaucoup d'ambition, et voilà, c'est un pays qui est

aux Américains. Quand on sera musulman en l'an 2020 et on jettera des pierres sur les infidèles, on n'aura plus de bière, plus de mortadelle. On aura le Coran pour nous dire ce qui est bien. Quand on sera musulman en l'an 2020. Alors messieurs, nous revoici pour la deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 6, épisode numéro 12. Avant d'entamer la discussion de la semaine, on va s'arrêter sur la rubrique numéro 3, la sale négresse de la semaine. Sans conteste, c'est Audrey Pulvar, que vous connaissez probablement en tant que journaliste. Pendant de longues années, elle a présenté des bulletins d'information sur France 3, d'origine antillaise, et depuis peu élue conseillère municipale de la ville de Paris, donc dans la majorité socialiste d'Anne Hidalgo, et c'est désormais la candidate aux élections régionales de 2021 pour l'Île-de-France, qui est la première région de France en termes de population comme de puissance économique. Et Audrey Pulvar a été interrogée, comme vous le savez, parce qu'il y a eu une polémique là, il y a une dizaine de jours, à propos de l'UNEF, qui était historiquement liée au Parti Socialiste Syndicat Étudiant, depuis totalement repeuplée d'allogènes, et d'ailleurs maintenant, elle est dirigée par une antillaise, comme Audrey Pulvar. Et cette antillaise s'est fait remarquer à l'antenne d'une radio il y a quelques jours, en revendiquant le fait qu'elle organisait, elle et son syndicat, des réunions interdites aux Blancs, ce qu'ils appellent des réunions en non-mixité. Et évidemment, loin de s'en plaindre, en réalité, je pense ici parmi nous, on était plutôt contents de voir ça, on était plutôt contents de voir les allogènes réclamer la ségrégation. Alors sur ce, ça a quand même suscité un débat, parce que comme vous le savez, on en a parlé dans les émissions aussi, même sur le site en général, il n'y a pas que nous qui en parlons, quoi. Il y a une redéfinition actuelle des lignes à gauche, entre la gauche établie, institutionnelle, la gauche socialiste en un mot, la gauche juive républicaine, qui prêche l'universalisme, entre guillemets, prêche le sans-frontiérisme, et qui est sur un logiciel colorblind, c'est-à-dire qu'on efface les différences ethniques, les différences raciales, les races n'existent pas, etc. Et puis une nouvelle gauche, une gauche radicale, qui démarche agressivement en fait les immigrés et qui même les recrute, et qui, pour sa part, promeut en fait une espèce de copie du discours qu'on retrouve aux États-Unis, donc un discours ségrégationniste, ouvertement anti-blanc, et donc il s'agit de procéder à un nettoyage ethnique systématique contre les blancs, et donc de les chasser partout où c'est possible, de les invisibiliser, quoi. Et donc, comme il y a une lutte à gauche, évidemment, il y a des gens qui disent que ces réunions sont intolérables. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est extraordinaire, etc. Et finalement, le Parti Socialiste se retrouve sur cette ligne de crête. Et donc, Audrey Pulvar a été interrogée par Pauline de Malherbe, de BFM TV, qui lui a demandé, quelle est votre position sur ces questions? Alors, on écoute sa réponse, et ensuite, on se retrouve pour en parler. Je préfère les réunions réservées à que les réunions interdites à. C'est-à-dire que si... je vais vous dire pourquoi je ne joue pas sur les mots. Si... il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., etc., ben, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire. On peut lui demander d'être spectatrice ou spectateur silencieux. On peut lui demander de se taire. Oui, je pense que oui. Alors, Audrey Pulvar nous dit, Alors, je ne suis pas pour les réunions interdites aux blancs, je suis plutôt pour les réunions réservées aux noirs. Bon, d'accord, c'est censé faire avancer le schmilblick. Et ensuite, on a, deuxième point, elle nous dit, mais si jamais il y avait un homme blanc ou une femme blanche, il ou elle serait prié de se taire, nous dit donc Audrey Pulvar, candidate aux élections régionales pour le Parti Socialiste en Ile-de-France. Alors, quelle est votre réaction face à ça, cette déclaration? Qu'est-ce que vous voulez me dire à Mais propos de ça? On paye, et particulièrement avec Audrey Pulvar, on va payer cash le merdier des dom-toms. Je n'hésite pas à le dire, le merdier des dom-toms. C'est-à-dire que quand tu arrives dans les départements d'outre-mer, la première chose qui te tombe sur la gueule, c'est oui, l'esclavage, nous les malheureux. On a, si tu veux, je ne dis pas qu'on a entretenu l'esclavage dans les dom-toms au niveau intellectuel, on a confié l'esclavage dans les dom-toms au niveau intellectuel. C'est-à-dire que ça fait tellement partie de leur histoire, et comme ce sont des pays qui ne produisent rien, qui sont loin de tout, qui sont complètement assistés par Paris, un exemple, les yaourts à La Réunion viennent par avion, merci Air France. Il faut bien comprendre que ces gens ne produisent rien, et ils ont très peu de touristes. C'est très clair que tu ne vas pas aller en Guadeloupe, tu vas à Saint-Martin, au moins c'est offshore. Tu ne vas pas t'emmerder à La Réunion, tu vas à Maurice, c'est offshore. Donc, si tu veux, le gros problème, c'est qu'on a confié des populations dans le ressassement perpétuel et continu de l'esclavage et de leur passé. Donc, ils sont tous au SMIC, il n'y a pas de boulot. Et ils sont évidemment persuadés que ce sont les suites de l'esclavage. Et alors, les connasses comme Audrey Pulvar qui arrivent, parce que bon, soyons clairs, mes mères, elle est quand même arrivée, hein, bon, son salaire, ça doit, c'est pas négligeable, elle n'est pas à l'aide sociale. Le problème de ces gens qui sont arrivés, c'est que quand ils sont en métropole, ils vont faire toutes les manipulations sur le racisme possible et imaginable parce que ça fait partie de la grande théorie socialiste et du grand projet européen. Alors qu'en fait, je serais véritablement curieux de savoir ce que Audrey Pulvar fait pour ses frères en Guadeloupe ou ailleurs. À mon avis, rien du tout. Mais ça rentre dans la ligne, dans le confessionnel du grand système social-démocrate, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et dès qu'on veut revenir, parce que j'ai bien insisté, j'insiste beaucoup là-dessus, revenez sur l'émission et regardez les pirouettes que fait Audrey Pulvar dans ses réponses. Pourquoi est-ce qu'elle fait ces pirouettes? C'est simplement parce qu'elle sait très bien qu'au niveau du droit français, on a tellement verrouillé l'expression au niveau des peuples, des races et autres, que la seule chose qu'elle fait pendant cette émission, c'est se protéger juridiquement. C'est tout, elle ne fait pas autre chose. Elle essaye de faire passer son message, mais alors en marchant sur les œufs. Et donc on arrive à ce raisonnement complètement absurde qui est de dire « je veux bien que les Blancs viennent assister aux séances, mais à condition qu'ils ferment leur gueule ». Ça devient... Sincèrement, les gars, moi, je suis désolé, mais si on continue comme ça dans l'Hexagone, vous allez être reconnu comme étant un asile psychiatrique à ciel ouvert et vous allez faire la joie de tous les psychiatres à l'international. On va traduire la moindre expression des politiciens français qui seront analysés. Vous allez devenir, mais alors, des modèles pour les universitaires. C'est extraordinaire, c'est fou, c'est complètement dément. Quelqu'un d'autre là-dessus? Bon, je vais prendre un peu la parole. Alors, ce qui est intéressant, C'est que, alors, tu as donné son background, hein, antillaise. Alors, les Antillais, on en a souvent parlé dans l'émission, et puis les dom-tom en général, vous connaissez ma position. Moi, je suis un ardent défenseur, en fait, de l'indépendance unilatérale des dom-tom. Alors, je connais les arguments, non, truc, bon. Faut pas se payer de mots, ça coûte une fortune. Vraiment, ça coûte des dizaines de milliards d'euros en pure perte. Et en plus, nous subissons cette immigration de l'intérieur, en quelque sorte, depuis ces colonies et depuis les années 60. Hein, et notamment, M. Debré, ministre de Charles de Gaulle. Un grand réunionnais. Oui, avec des origines rabbiniques, hein, faut-il le rappeler, qui avait voulu, qui a organisé, en fait, hein, l'immigration depuis les dom-toms vers la métropole. Donc aujourd'hui, quand vous êtes en Île-de-France et que vous voyez du personnel très nonchalant porter un uniforme avec un accent parfois des îles, parfois même sans accent, puisqu'ils sont là depuis deux ou trois générations parfois, nous le devons au petit-fils de rabbin Debré. Et donc ça coûte, parce qu'en fait, on les a collés on les a collés à la poste, on les a collés dans les douanes, on les a collés... Le métro parisien, la SNCF. Voilà, tout à fait. La municipalité de Paris s'est fait une spécialité de caser ces gens aussi dans ses services. Donc, c'est pas non plus un hasard si Pulvar est conseillère municipale à Paris, placée sur sa liste par Anne Hidalgo, socialiste. C'est bien évidemment pour envoyer un message à certains segments de la population parisienne. Et donc là, il y a tout un background. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, quand tu dis, voilà, ils ont créé une espèce de culture du ressentiment vis-à-vis de la France, de la métropole, avec vraiment une schizophrénie. Hein. Il y a un dédoublement de personnalité chez ces gens-là. C'est-à-dire que d'abord, chez eux, sur leurs îles, Guadeloupe, Martinique, ces gens sont extrêmement racistes. Et je ne parle pas vis-à-vis des Blancs. Ils sont extrêmement racistes entre eux. Il y a une hiérarchie raciale que les métropolitains ne connaissent pas, qui prévaut dans ces îles, qui est fondée sur le degré de pureté raciale ou de blanchissement, c'est-à-dire le degré de métissage. Plus vous êtes blanc, plus vous êtes élevé dans la société antillaise. Et plus vous êtes un Africain pur, moins vous êtes apprécié. Donc tout le discours qui vise à culpabiliser les Blancs, à leur faire des griefs, des reproches en disant qu'ils ont pensé le racisme, etc. Attention à cette race de menteurs professionnels que sont les mulâtres des Antilles. Entre eux, ils sont virulemment racistes. Et non seulement ça, mais ils sont encore plus racistes vis-à-vis des Africains d'Afrique qu'ils croisent très souvent en France et dont ils prétendent être les meilleurs amis médiatiquement, typiquement Lilian Thuram. On en a eu comme ça toute une kyrielle, hein, je veux dire, les dom-toms nous ont drainé en France toute une série de gens qui sont occupés à exciter la haine raciale anti-blanche en France. Hein. Lilian Thuram, maintenant Pulvar, on pourrait comme ça passer quelques temps à en citer, y en a beaucoup. Donc ça c'est une chose, hein, le ressentiment contre les Blancs, l'hypocrisie du discours antiraciste alors qu'eux-mêmes sont extrêmement racistes, et puis l'apologie du métissage. Alors ils sont névrosés avec ça, puisque eux-mêmes sont complètement, ils sont de faits de briques et de broc. Et alors, quand ils sont vis-à-vis des Blancs, ils essayent de flatter l'Afrique, la négritude, etc. Mais quand vous leur dites « on va se débarrasser de vous, on n'a pas besoin de vous, vive l'indépendance », aussitôt ils nous disent « ah non, là tout d'un coup il y a tout un discours sur le métissage, la créolisation, comme a dit encore récemment Mélenchon, comme unique horizon ». Voilà. Ah mais il y a encore mieux, je vais dévoiler un secret d'État, mais… quand on a nommé, je crois que c'était sous Chirac, quand on a nommé comme ministre des départements d'outre-mer le maire de Montsereau-Faux en France, je ne reviens plus sur le nom du gars, il a fait le tour des dom-toms. Et bon, le type étant un libéral et ayant quand même quelques notions d'économie, il est arrivé, il a dit, bon bah écoutez les gars, on va se démerder, pour développer les îles. Et la réponse a été, ôté mon noir, minana souffert de l'esclavage. Enfin, grosso modo, c'était, attends, tu vas pas nous faire travailler, mon gars, on est très bien comme ça. T'as les avions d'Air France qui arrivent avec la bouffe, nous, on est super peinards. Tu voudrais quand même pas qu'on commence à ramer à la même vitesse que les Parisiens, que les Lyonnais ou que les habitants de Bordeaux. Non, non, on est bien peinards chez nous, on a notre petite case en tôle, on est tranquille, on va au supermarché, on a notre petit lopin de terre, fous-nous la paix. Le gars, quand il est revenu, il était scié. Il s'est dit, mais putain, mais c'est pas possible. Ces gens sont des assistés sociaux pathologiques et surtout, ils veulent le rester. Il n'y a pas moyen de vouloir développer quoi que ce soit. Voilà le résultat des colonies françaises depuis je ne sais combien de siècles. Oui, c'est tout à fait juste. Donc, Pulvar vient de ce background-là et quand elle parle vis-à-vis des Blancs, avec son numéro d'antiracisme, elle fait ce que font tous les mulâtres, c'est-à-dire que vis-à-vis des nègres pur sucre, elle les méprise parce qu'elle est plus claire. Et les mulâtres méprisent les nègres pur sucre, dont ils prétendent devenir les chefs. Et ils prétendent devenir les chefs pour s'en servir contre les Blancs, en sortant leur jérémiade, leur petit coup de violon, machin, on a beaucoup souffert, l'esclavage. Donc tout ça est un jeu qui est très facilement mis à jour, en réalité. Et Pulvar nous a fait ce numéro-là. Ceci étant dit, elle a très vite changé. Enfin, je veux dire, ce qu'elle a fait là, c'est un degré au-dessus. Parce que la jérémiade antiraciste, on était accoutumé. Là, on franchit un cap. Là, on n'est plus dans la jérémiade antiraciste. Là, on est clairement dans il faut établir un système où les Blancs sont carrément dégagés de l'espace, enfin des espaces qu'on a décrétés interdits aux Blancs. Bref, la ségrégation, quoi. C'est quand même quelque chose de complètement nouveau. C'est un degré au-dessus. C'est clair que c'est pas... Alors, en 2017, elle disait pas ça. Il y avait déjà la thématique des réunions interdites aux Blancs. Et elle avait pris position contre. Maintenant, elle est pour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces socialistes, donc là, c'est la liste socialiste en Île-de-France, ils regardent la démographie, ils voient bien les modifications ethniques qui se produisent actuellement en Île-de-France. Il voit bien aussi que l'idéologie anti-blanche développée par, dans les facultés, par ce qu'on appelle les racisés, enfin les racisés s'appellent comme ça, bien sûr, ça prend, ça marche, ça a du succès, sur les réseaux sociaux, ça marche. Donc en fait, il y a simplement une logique politique. Donc Pulvar passe, en gros, de la négation de l'existence des races, parce que ces mulâtres aiment bien nier l'existence des races, et c'est pour ça qu'ils aiment bien baratiner sur la créolisation, en disant, en gros, on va souiller le sang de tout le monde, et comme ça, on pourra plus nous remarquer dans le lot, quoi, grosso modo. Quoi. Donc il y a une velléité de détruire la race blanche par l'abâtardissement racial. Ça, c'est une vieille idée que les mulâtres ont en commun avec les juifs. Et là, ça change. C'est-à-dire, là, maintenant, c'est non, il y a des Blancs, mais on va les virer, voilà. Et ça, c'est simplement sous le fait d'une tendance très lourde qui se déploie de plus en plus et qui est manifeste avec l'UNEF, quoi. Et très intéressant aussi, là je dévie un peu, mais c'est lié, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même était sur le même discours. Hein, 2017, interrogé sur la question justement des réunions interdites aux Blancs, il a dit « c'est inacceptable ». Bon, le discours colorblind, quoi, typique du Grand Orient. Non, les races n'existent pas, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté des citoyens. Bon, le baratin typique d'un franc-maçon nostalgique de 1789, quoi. Une question, Jean-Luc Mélenchon, sur les stages interdits aux Blancs, les ateliers non mixtes. Personnellement, je suis totalement défavorable à ce type d'organisation. Je suis choqué par l'idée même qu'on puisse appeler une réunion racialisée. Je ne crois pas à l'existence des races. Je crois que les êtres humains sont tous semblables et une différence de couleur de peau ou de cheveux ne fonde pas la rupture de la similitude. Et là, très intéressant, il a pris la défense de l'UNEF et il a pris la défense de Pulvar en mettant la pression au Parti Socialiste, en disant « Est-ce que le Parti Socialiste va défendre Audrey Pulvar qui ne fait que défendre le droit de se réunir ou je sais pas quoi. Donc Mélenchon lui-même prend maintenant position pour pour la guerre raciale anti-blanche. Alors qu'on sait que chez Mélenchon, à titre personnel, on sait que quant à ses convictions, il est radicalement opposé à ce genre de truc. On le sait, quoi. Et maintenant, il accepte, par pure tactique, flatter ses courants. Et je pense que, je veux dire, Mélenchon est un politicien, bien sûr. Donc, il acte d'un rapport de force. Mais c'est très flagrant que quelqu'un comme Mélenchon, dont moi j'aurais pensé que, parce qu'il est très dogmatique, Mélenchon, donc j'aurais pensé que là, il aurait calé quand même. Il aurait dit, non, là, c'est pas possible. Et en fait, il a cédé. Il a dit, ouais, ok, d'accord, on y va. Ça va permettre de foutre la merde à gauche. Voilà. Et donc, quand vous êtes validé par des mecs comme Mélenchon, qui a quand même un électorat, quoi, que vous voyez que des gens comme Audrey Pulvar, qui ont été journalistes, qui est conseiller municipal socialiste de Paris, je veux dire, c'est quand même très mainstream. Je veux dire, elle c'est une collaboratrice de la maire de Paris actuelle, elle vient pas de l'extrême gauche. Quand vous voyez que ce type de discours est validé par ces gens-là, qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce que ce type de discours, le fait d'interdire aux Blancs hein, d'être présents dans des réunions, etc., ça devient mainstream. Voilà. Peu importe ce que dit, c'est les vieilles badernes, hein, je veux dire, Manuel Valls... la LICRA, qui est les juifs de la LICRA, très hypocrite, bien sûr, la LICRA, eux, ils défendent l'apartheid en Israël, bon, les mecs de la LICRA, bon, voilà, ils font semblant de ne pas savoir ce que c'est une race en France, peu importe. Bon, ces mecs-là, en fait, évidemment, ils redoutent, surtout que les juifs redoutent beaucoup la montée en puissance de ce qu'on pourrait appeler une espèce de nationalisme halogène, en gros. Mais ils reculent. Et les autres, ils progressent, c'est un fait. Donc voilà, donc moi, c'est ça que je remarque. C'est que ça devient un argument électoral. Voilà, ça devient un argument électoral. Ouais, c'est plus du tout marginal comme jadis, quoi. Donc, est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose là-dessus, faire une remarque sur cette. Oui, on peut dire la progression du racisme anti-blanc, quoi. Hein, voilà, parce que je pense pas qu'il y aura de poursuite. Hein. Je pense pas qu'il y aura de poursuite hein, sur ces déclarations-là, ouais. Non. Bah, t'as raison, c'est-à-dire que l'antiracisme classique, universaliste, égalitariste, mené par les juifs, il est totalement dépassé. Ils sont totalement en train de se la faire mettre à l'envers. On l'a vu aussi dans l'affaire Mila. C'est le deuxième volet de ce truc-là. Face aux islamistes, la petite Mila, elle a été lâchée. Il y a encore une gamine là qui a voulu prendre sa défense. Ils l'ont virée de Twitter. Donc voilà, d'un côté vous avez les islamistes, de l'autre vous avez les racialistes de gauche. Ces gens-là, à chaque bataille, ils gagnent. À chaque. Donc forcément, tout le monde le voit. Et donc, des mecs comme Mélenchon, qui sont des politiciens, ils prennent acte et ils disent OK. OK, je vais miser sur les gagnants. Donc voilà, bon. Ouais. Audrey Poulvard, ouais, dame pipi améliorée. oui, non, mais c'est ça, tu l'as dit, hein, on casait les mulâtres à Paris, au métro, etc. Donc, c'est une dame pipi améliorée. Elle va faire sa loi. Et puis, elle dit, elle essaie de t'embrouiller, tu vois. Comme ces mecs sont des baratineurs, hein, c'est comme les gitans, tu vois, qui te baratinent et tout, pour te tirer du pognon. Et les blancs, écoutez, d'accord, ils pourront rester, mais il faut se taire quand même, hein, et baisser les yeux, voilà. Et j'insiste bien là-dessus, hein, vous pouvez le vérifier, il y a des statistiques, les départements d'outre-mer ne produisent à rien. Ah non, rien, non, ça... Non, je suis absolument pas d'accord. Ils produisent des nègres, ouais. Ils produisent des nègres. Ça, c'est vrai. Parce que, attention, certains vont me dire « tu dérailles, ils produisent du rhum ». Alors, accrochez-vous bien, second secret d'État. Et les bananes plantains, alors avant, il y avait du rhum qui était fait dans les îles. 12 ans d'âge, et c'était du 12 ans d'âge respecté, c'était véritablement un hectare, vraiment génial. Jusqu'au jour ou les betteraviers lillois qui ont créé une entreprise multinationale extrêmement puissante, se sont dit, ben, on va faire des extraits de goût rhum 1 an, 5 ans, 12 ans, 25 ans, et on va le commercialiser. Alors, ils ont essayé de le commercialiser, ça n'a pas tellement bien marché, donc les types, ben, comme c'est quand même des businessmen, ils ont acheté toutes les romeries des départements d'outre-mer. Toutes, absolument toutes. Et en fait, maintenant, on te vend un 12 ans d'âge qui a 3 semaines. Et c'est public, hein, tout le monde est au courant, mais tout le monde ferme sa gueule. Parce qu'il n'y a pas d'appropriation culturelle, il ne faut pas se leurrer, hein, les mecs, à partir du moment où il y a du pognon en jeu, ton appropriation culturelle, tu peux te la carrer où je pense. Donc en fait, tu as des gugus qui te font dans des restaurants parisiens du marketing à la noix en t'expliquant « Oui, écoutez, je suis revenu de la Réunion, voilà, regardez, c'est un rhum exceptionnel, c'est 25 ans d'âge. » Et alors, ce troisième secret d'État, le mec, il n'a pas payé un rond d'accise dessus. Pas un rond. Les douanes, ma cash. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à des gars des îles, ben, quand tu reviens à Paris, tu me ramènes une bouteille. Seulement, soyons clairs, une bouteille multipliée par 25, 30, 60 gugus, ben, t'as fait ta cave, hein, mon gars, il n'y a aucun souci. Hein. Ben oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est les mulâtres des îles qui sont établis en France servent en fait de cadre à la guerre raciale. On le voit typiquement effectivement avec Thuram qui essaye de passer pour un intellectuel parce qu'il porte des lunettes. Quand on dit malin comme un singe, je te garantis bien franchement que c'est pas de la blague. Hein. Je vais te donner le truc. T'as un Gugus qui a c'est moitié restaurant, moitié épicerie à Paris. Bon, les affaires vont mal. Les huissiers arrivent, on lui met son restaurant sous séquestre avec l'intégralité de la marchandise. Qu'est-ce qu'il fait, le Zozio ? Eh bien, la nuit, il s'auto-cambriole. Il sort toute sa marchandise, il laboure dans un garage et il revend ça au black. Voilà comment ça fonctionne. Ah ouais, ouais. Non, mais voilà, donc, comment dire, vous voyez Marine Le Pen qui défend les dom-toms, parce que simplement, c'est une réserve de voix pour elle. C'est là aussi, on parlait du cynisme politique et électoral de Jean-Luc Mélenchon, celui de Marine Le Pen est du même ordre. Hein. C'est quelqu'un qui nous dit que Mayotte, il faut investir, elle s'est même plainte que... Il y a peut-être un an que Emmanuel Macron ne déversait pas assez d'argent, non seulement sur Mayotte, mais sur les dom-toms, etc. Enfin, et pourquoi ? Parce que simplement, elle a des électeurs là-bas, mais ça nous coûte une fortune. Et nous marchons sur la tête avec ces colonies-là, parce qu'il faut appeler un chat, ce sont des colonies. La France n'a pas intégralement décolonisé, on a gardé ces cailloux à nègre. Parce que je sais pas quoi, stratégie, mais hors bleu, voilà, on allait découvrir je ne sais pas quoi comme trésor au fond de la mer. Et puis. Attends, au niveau des trésors au fond de la mer, il faut quand même se rendre compte que l'État français est arrivé. Alors, à une certaine époque, pendant la résistance en France, on parlait de la défense élastique, mais alors, j'aime autant te dire que l'État français a fait dans le grandiose, parce qu'ils ont modifié la map monde, les mecs. En fait, le système à l'heure actuelle à la Réunion, ça a peut-être changé. Bon, non, je crois que c'est toujours à peu près la même chose. Donc, en fait, le système, c'est il ne faut pas que la Réunion soit déclarée un pays indépendant parce que la France a besoin du pétrole. Alors bon, on les regarde un peu affolés parce que la Réunion est quand même une île. Si tu veux mettre une station de pompage à côté, ça va quand même faire pas mal de mètres. Donc, on voit les trucs difficilement. Donc, comme nous sommes des gens relativement raisonnés, on assiste à la Réunion, donc on continue à écouter les gars. Et alors, il nous explique, oui, en fait, Total a fait des recherches pétrolières et en fait, il y a du pétrole et on a des possibilités d'exploitation. Alors, évidemment, dans le truc, tu as quand même quelqu'un qui dit oui, mais où ? Et alors, les mecs, mais sérieux comme des papes, les gars, il n'y a aucun souci, ils te répondent dans le golfe du Mozambique. Je sais pas, les mecs, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, le golfe du Mozambique et la Réunion, regardez une map monde, vous allez vite comprendre qu'on se fout de votre gueule, mais alors en Technicolor, en Panavision, en Dolby Stéréo, il n'y a aucun souci. C'est logique. Alors, un autre gag aussi, c'était « oui, mais nous exportons au Japon ». Alors bon, tout le monde se regarde, et vous exportez quoi ? On exporte de la légine. Ah ! Alors en fait, c'est quoi l'histoire de la légine à La Réunion ? C'est très simple. T'as un sénateur, alors le mec c'est un malbar, hein, donc c'est un type qui est originaire de la côte malbaraise de l'Inde. Ils se sont installés à La Réunion, ils ont fait de la politique, le mec est devenu sénateur, et évidemment, le principe, c'était de caser ses fistons, son fils et sa fille. Ou son... Non, son fils et l'épouse, je ne sais plus, enfin bon, peu importe. Et en fait, comme le type, il a ramené énormément de voix à Papa Chirac, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'État français lui a financé ses bateaux de pêche. Alors, je crois qu'en tout, il y a quelque chose comme 3 bateaux de pêche. Donc, il part au pôle sud, il ramasse de la légine qui est un poisson gras. Mais alors, le maquereau, c'est déjà gras. Imaginez 3 fois ça, quoi. 3 fois ou 4 fois ça. Et bon, les Japonais adorent, mais ils sont Japonais. Donc, en fait, ils revendent cette légine au Japon. Le mec, il rentre plus ou moins dans ses frais tant que les bateaux sont encore neufs et encore en état de flotter. Mais à mon avis, ça va pas perdurer longtemps parce que, bon, il faut quand même se rendre compte que tu pars de l'île de la Réunion, tu vas pêcher au pôle sud, tu ramènes ta bouffe, tu la mets, tu la découpes, tu la fous au congèle, tu la tapes dans un avion Air France destination Tokyo. Ça te fait le prix de la légine quand même un peu cher. Donc voilà, je n'arrive même pas à comprendre par quel miracle l'État français arrive à faire gober à son peuple dans l'Hexagone des trucs aussi monstrueux, parce que c'est même plus du foutage de gueule, on est carrément dans la science-fiction. À côté de ça, je vous rappelle qu'il y a une autre île qui s'appelle l'île Maurice, que l'île Maurice a été managée par l'Empire britannique, qu'à l'heure actuelle, Maurice, c'est un centre de vacances absolument exceptionnel, que tu y bouffes à pas cher. Alors évidemment, il n'y a que les Français pour te dire « Oui, mais les Mauriciens sont malheureux, les Mauriciens ont un niveau de vie qui est inférieur au nôtre, gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna. » T'as déjà vu des émeutes à Maurice, t'as déjà vu des révolutions à Maurice, t'as déjà vu des Mauriciens qui se plaignent. Les Mauriciens, ils font leur taf, ils récupèrent le pognon des touristes, il n'y a absolument aucun souci, ils ne vont pas venir te parler d'esclavage, ils ne vont pas venir te dire « Oui, mais sous les Anglais, on était maltraités. » Ils l'ont été tout autant que par d'autres peuples. Le principe, c'est que l'approche étant tout à fait différente, le raisonnement étant tout à fait différent, le fait étant que à l'île Maurice, gagner de l'argent est une chose normale et saine, tandis qu'en France, dès que tu as le malheur de toucher un salaire, tu es un monstre qui exploite le système. Donc, en fait, tu te retrouves avec un pays que je vais qualifier de normal, avec des gens normaux. Et, attention, les nobles de l'époque sont toujours restés à Maurice. Tu as une famille prestigieuse qui est la famille des de la Beauve d'Arifa. Ils ont toujours gardé leurs terres, ils ont toujours exploité leurs exploitations. Certains sont devenus magistrats, d'autres... Mais c'est un pays uni... Et ils se plaignent pas, t'as pas la même gnangnanterie que tu peux trouver dans les dom-toms. Et alors, quand ils voient des reportages sur la Réunion et autres, mais ils pissent de rire, les mecs. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces assistés sociaux? Mais tu les largues chez nous, ils vont crever de faim rapidement parce qu'ils sont incapables de gagner leur vie. En fait, on a complètement rendu les gens dans les colonies françaises, c'est des assistés, c'est de parfaits socialistes. Ouais, mais le problème, c'est que c'est le même système en France. C'est... Ah ben parce que ça déborde. Ben voilà, c'est le même système, donc c'est-à-dire que tu finances ces gens-là à fond perdu, tu crées une mentalité, comme tu l'as bien décrite, d'assistanat, assistanat justifié évidemment par la colonisation que sais-je, ou l'esclavage, donc plus tu agites ce truc, plus en fait tu es censé toucher, donc tu crées un cercle vicieux, mais en même temps tu as une bureaucratie qui est très heureuse de jouer... justement les administrateurs pratiquement colonial pour le coup, parce que la différence entre l'île Maurice dont tu parles effectivement qui fonctionne bien économiquement et l'île de la Réunion, c'est que d'un côté l'île Maurice est un pays indépendant alors que l'île de la Réunion est dans les faits toujours une colonie. Donc c'est très drôle parce que finalement d'un côté t'as un état décolonisé dans les faits qui a déjà tourné la page depuis longtemps. Puis de l'autre, tu as toujours une colonie où le schéma ne s'arrête pas, je veux dire, quoi. Ça ne s'arrête pas. Et ça m'avait fait mal. J'avais parlé de ça dans une émission, hein, mais vous avez le fameux Elie Domota, là, Guadeloupe-Martinique, donc qui est à la tête d'un syndicat indépendantiste. Et je me rappelle dans les graves émeutes qu'il y avait eu dans les milieux des années 2000 là-bas, quand les médias français lui avaient dit « Qu'est-ce que vous pensez des sondages d'opinion qui indiquent que beaucoup de Français seraient favorables à l'indépendance des Antilles », le mec s'était pratiquement étouffé de protestation en disant que c'était pas du tout ce pourquoi il se mobilisait, et pour cause. Donc nous avions un indépendantiste qui était pratiquement, enfin qui était en train de s'étouffer parce qu'on lui parlait d'indépendance des Antilles. Ces gens-là ne veulent pas d'indépendance. Non, ils n'en veulent pas. Ils veulent le pognon des Blancs en faisant semblant d'être des indépendantistes pour pouvoir se donner un rôle imaginaire qu'ils pensent avoir, alors en jouant les mythomanes, se prenant pour Martin Luther King, non, ils veulent le pognon des Blancs tout en continuant à leur cracher dessus. Alors moi, je propose un deal complètement différent. Moi, je propose qu'on arrête de gaspiller du fric dans ces îles, là. Qu'on leur donne l'indépendance, qu'ils l'acceptent ou pas, et qu'on renvoie tous leurs compatriotes vers ces îles-là. C'est bien, il fait beau, il fait chaud, il y a la mer, ils seront certainement très heureux de renouer avec leurs racines. Formidable, et ils pourront gueuler contre qui ils voudront, d'accord ? Et ça ne sera plus notre affaire. Ça, c'est ma conception des choses. Et plus le temps passe, plus je pense avoir raison sur ce sujet-là. Mais je vais te dire un truc, j'avais eu une réunion avec un de ces grands pontes du socialisme, ces gars-là, c'est... Putain, ils sont... Bon. Et c'était à l'époque du Brexit. Et en fait, ce gars me disait, de toute manière, si la Grande-Bretagne nous quitte, ces cons vont se retrouver uniquement avec leurs anciennes colonies. Oui, ok, je suis d'accord, la Grande-Bretagne a quitté l'Europe, elle se retrouve avec ses anciennes colonies, mais avec une énorme différence, c'est que Maurice n'est pas un pays d'assistés sociaux, l'Inde n'est pas un pays d'assistés sociaux, le Pakistan... avec tout le bordel des islamistes et tous les problèmes culturels, ok, d'accord, mais ce n'est pas un pays d'assistés sociaux. C'est-à-dire que ces gens, même s'ils sont effectivement pauvres, ils bossent. Et ce n'est pas Londres qui leur envoie des charters de bouffe. Donc, en fait, c'est toute la mentalité européenne qu'il va nécessairement falloir rebooter. À mon avis, on n'est pas prêt de la rebooter dans le bon sens. Mais on en est là. On en est à avoir des gens qui, à Bruxelles, sont absolument persuadés qu'il faut sauver l'intégralité de l'Afrique et des pays de merde, et ils ne comprennent pas que, d'abord, ces gens ne veulent pas être sauvés, première chose, ils veulent simplement bouffer et avoir des rentes. Et tant que personne ne leur explique cette chose-là, ben le naufrage va continuer. Et je n'en vois pas la solution. Il y en a une, mais bon, un peu trop radicale. Oui, ben c'est la politique de... C'est, comment dirais-je, c'est la politique qui prévaut dans les banlieues françaises. C'est exactement le même schéma mental, les mêmes propositions politiques, le même gaspillage d'argent public, avec les mêmes conséquences. Voilà. Et tout ça n'est possible que par l'endettement de masse. Alors, messieurs, je vous propose d'aborder le dernier point de cette émission avant de nous séparer. Rubrique numéro 4, chers amis, le sale juif de la semaine, et il le mérite haut la main, franchement, vraiment, c'est probablement même le sale juif du mois, c'est Raphaël Glucksmann. Bon, c'est quelqu'un qui est particulièrement repoussant, d'une insolence sans pareil, caractéristique hein, de ce peuple, mais là, il s'est vraiment dépassé. Alors, les Français, justement, sont pas au courant de ce qui se passe nécessairement dans leur pays, d'accord, et plus particulièrement au niveau politique et au niveau des instances européennes, et plus particulièrement au niveau du Parlement européen. Ça, c'est très important, je crois, à analyser ensemble, de la même façon qu'ils savent pas comment fonctionne le système des dom-toms, le système colonial des dom-toms, et ce que ça leur coûte. On leur en parle pas, hein. Quand vous cherchez un chiffre définitif sur ce que ça coûte, il faut faire des recoupements dans tous les sens, etc. Eh bien, c'est pas des chiffres qu'on vous livre clé en main. De la même façon, le système européen, d'une manière générale, est d'une très grande opacité, à dessein. Et là, on va s'intéresser à, comment dirais-je, à l'activité de Raphaël Glucksmann, eurodéputé soutenu par le Parti Socialiste, qui nous renvoie à Audrey Pulvar. Dont on a parlé abondamment juste avant, là c'est pareil, vous avez des gens, vous les élisez lors des élections européennes, et puis vous vous dites, ben, ils vont représenter la France à Bruxelles. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là sont élus sur des listes, c'est uniquement du travail de réseau, Glucksmann, s'est fait élire comme ça, et c'est un type, Glucksmann, qui ne parle jamais de ses administrés, hein, entre guillemets. Non, il a un autre agenda, et on va en parler. Et cet agenda n'a rien à voir avec la vie quotidienne des Français, vous allez le comprendre. Donc, la presse en a fait état cette semaine. Pour la première fois en 30 ans, la France a pris des sanctions contre la Chine. Donc on a sanctionné des officiels chinois. Alors je cite cet article qui fait un peu le point sur la situation, et vous allez voir pourquoi on arrive à Glucksmann. C'est le Nouvel Obs. Donc le torchon continue de brûler entre l'Union européenne et la Chine. Les Européens ont sanctionné ce lundi 22 mars pour la première fois la Chine pour la persécution des musulmans ouïghours dans la région du Xinjiang. Immédiatement, Pékin a riposté avec des sanctions contre une dizaine de personnalités européennes. Alors, les persécutions qui sont... c'est une fabrication. Hein. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, ont approuvé l'inscription de 4 dirigeants et d'une entité de la région chinoise du Xinjiang sur la liste des sanctions pour les violations des droits de l'homme créées en décembre 2020. Ce nouveau dispositif avait été utilisé en février contre la Russie pour l'affaire Navalny, a expliqué le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian à son arrivée pour une réunion avec ses homologues à Bruxelles. Les sanctions européennes consistent en une interdiction de se rendre dans l'UE et un gel des avoirs détenus dans l'Union européenne. Donc, les sanctions dont Diabolix nous a parlé sur la question de la Pologne. Pékin a répliqué en sanctionnant 10 personnalités européennes, dont plusieurs élus du Parlement européen, accusés de porter gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts de la Chine, et de propager des mensonges et de la désinformation. Les Européens et leurs familles seront interdits de séjour en Chine, à Hong Kong et à Macao. Raphaël Glucksmann est député Place Publique, donc PS, dans le groupe social-démocrate, qui s'est engagé dans la défense des Ouïghours, donc des musulmans séparatistes, s'est déclaré flatté par la décision des autorités chinoises. J'apprends que je suis visé par des sanctions chinoises, banni du territoire chinois, ainsi que toute ma famille, et interdit de tout contact avec les institutions officielles et entreprises chinoises pour ma défense du peuple ouïghour. C'est ma légion d'honneur, a-t-il affirmé dans un message sur son compte Twitter. Alors effectivement, alors il y a un contexte général sur lequel je reviendrai, mais effectivement, on n'entend plus Raphaël Glucksmann que sur ce sujet-là. Donc les Français qui l'ont élu découvrent en fait que c'est un député honoraire du Xinjiang à Bruxelles. Voilà. Ils l'ont découvert. Il ne parle que de ça. Il ne parle que de musulmans d'une province chinoise qu'aucun Français ne serait foutu de situer sur une carte. Et on nous dit « c'est la priorité absolue ». Ce qui est quand même surprenant quand on voit ce qui se passe économiquement en Europe, ce qui se passe au niveau de... Enfin, je passe sur tout ce qui se déroule, mais bien, on est dans une situation de crise extrêmement grave. Et non, ce qui compte, c'est ce qui se passe au Xinjiang. Alors au Xinjiang, il se passe quoi? Alors c'est très simple, la CIA essaye de fomenter, comme elle l'a essayé au Tibet, essaye de fomenter un mouvement séparatiste islamique. Pas besoin de vous faire un dessin. On a vu ce que ça a donné en Syrie, on a vu ce que ça a donné en Libye, d'accord? Bon, on a vu ce que ça a donné en Tchétchénie, et mettons l'emphase sur la Tchétchénie, et c'est d'ailleurs ce qui a généré une réaction d'ailleurs en Chine, en Tchétchénie, le Glucksmann père avait joué un rôle très important, puisqu'il avait milité activement pour le soutien aux djihadistes tchétchènes, qu'on présentait là aussi, comme en Syrie, comme en Libye, et comme aujourd'hui au Xinjiang, comme des militants des droits de l'homme et de la démocratie. Donc, la défense des islamistes et du djihad international, c'est un business familial chez les Glucksmann. C'est un business familial de plus de 25 ans. Donc, ils sont connus, les Glucksmann. Ils sont connus, et donc la réaction n'a pas tardé. Hein. Les Chinois ont réagi, puisque là, on est dans une campagne d'agitation et qui a une coloration ethnique tout à fait particulière, une coloration juive. Et ça, c'est très intéressant. Ça n'a pas échappé aux médias chinois. Il y a un commentateur chinois qui est proche du gouvernement chinois, qui sur le réseau social Weibo, qui est un équivalent chinois de Twitter, et qui a pris la parole suite à cette sanction, pour expliquer à l'opinion chinoise pourquoi Glucksmann avait été visé. Et vous allez voir qu'on parle beaucoup plus librement en Chine, donc on nous présente comme un régime où on ne peut pas s'exprimer, qu'en France. Ou si vous dites le quart de ce que dit cet expert de la France, parce que vous allez voir que cette personne en fait est un traducteur dont le père était déjà un traducteur des œuvres de Balzac, etc. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien la France. Vous verrez que si vous dites le quart de ce qu'il dit, vous terminez en prison comme Hervé Ryssen, sur ordre des Juifs. Alors voici ce que dit ce journaliste. La Chine a sanctionné. Alors je cite texto hein, ce qu'écrit sur Weibo ce spécialiste qui s'appelle Tseng Luolin. La Chine a sanctionné un donneur de leçons des droits de l'homme européen qui a attiré des terroristes en France et diffusé de fausses nouvelles sur le Xinjiang. Hier, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé que la Chine avait sanctionné des Européens pour avoir diffusé de fausses informations sur les droits de l'homme au Xinjiang, les avertissant de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'autres pays en prétendant être des donneurs de leçons des droits de l'homme. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'un des parlementaires européens sanctionnés, Glucksmann. Donc je cite toujours ce commentateur autorisé. Hein. La famille, tous juifs, avait attiré des réfugiés tchétchènes en France, et puis il y a eu, donc dans les années 90, ça c'était le père, André Glucksmann, et puis il y a eu la tragédie de la décapitation d'un professeur français par des terroristes tchétchènes. Ça c'est Samuel Paty, c'était il y a quelques mois. Aujourd'hui, ils accusent la Chine, inventent de fausses nouvelles sur le Xinjiang et attisent les conflits entre les musulmans et les autres groupes ethniques au nom des droits de l'homme. Donc, les juifs Glucksmann. La Chine est devenue l'un des plus grands concurrents de l'Occident sur le marché mondial, faisant des produits chinois une épine dans le pied du capital industriel extérieur. Ainsi, même si l'Occident ne dispose d'aucune preuve, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour rejeter la faute sur la soi-disant question du Xinjiang et mettre ainsi des bâtons dans les roues de la montée en puissance de la Chine. Alors, ça c'est très intéressant. Donc il a publié ça sur le réseau social, mais c'était une vidéo dans laquelle il montre des images d'émeutes raciales dans les banlieues françaises, les banlieues islamiques ou islamisées, dans lesquelles il parle de l'affaire Samuel Paty, décapité par un Tchétchène. Et ce qu'il fait, et que n'ont pas fait les médias français, c'est qu'il rappelle qui a organisé la présence tchétchène en France. Et il a mis le nom sur les responsables, c'est-à-dire les Juifs, et plus particulièrement la famille Glucksmann. Mais on pourrait citer Bernard-Henri Lévy, etc. Mais Glucksmann, père et fils, ont joué un rôle là-dedans. Ce qui n'a pas empêché Glucksmann fils de verser des larmes de crocodile sur le Maccabée de Samuel Paty. D'accord ? C'est-à-dire que les types qui ont fait venir les Tchétchènes en France quand Poutine a tapé très dur au Caucase pour rétablir l'ordre et pour créer une espèce de base arrière en Europe, ils sont en train de verser des larmes de crocodile sur les djihadistes qu'ils ont fait héberger en France parce qu'ils ne pouvaient plus les maintenir sur place pour déstabiliser la Russie. Et maintenant, ils se mettent à faire en France ce qu'ils faisaient déjà en Tchétchénie il y a 20 ans, c'est-à-dire décapiter des infidèles, comme ils les appellent. Et ça n'empêche pas Glucksmann de verser une larme sur le cadavre du mec auquel son père a contribué par procuration à la décapitation. Et c'est ce que dit ce spécialiste chinois. Il dit « Regardez ces gens qui font de grands prêches sur les droits de l'homme, qui s'ingèrent dans nos affaires intérieures, parce que là c'est le territoire chinois, qui essayent d'exciter les musulmans contre les autres groupes ethniques. Regardez qui sont-ils. Regardez ce qu'ils ont fait par le passé. Et regardez les conséquences pour la France. » Eh bien ça a déclenché non seulement la colère de Glucksmann qui a hurlé au complot juif, alors que, excusez-moi, ça c'est la main des juifs. Et on verra pourquoi, parce qu'il y a une grande stratégie derrière contre la Chine, mais c'est la main des juifs là, hein. C'est la juiverie néoconservatrice qui fait maintenant contre la Chine ce qu'elle a fait contre la Syrie de Bachar el-Assad et contre la Russie de Vladimir Poutine. Il a hurlé à l'antisémitisme. Mais il s'est fait inviter au ministère des Affaires étrangères dans la foulée, et Jean-Yves Le Drian s'en est flatté sur Twitter ce week-end, en disant « J'ai reçu M. Glucksmann, qui apparemment est le véritable ministre des Affaires étrangères, pour condamner les attaques antisémites dont il est l'objet, etc. » Donc, les Juifs contrôlent la diplomatie française. Et on est actuellement en train de provoquer la Chine, qui n'a jamais cherché à provoquer de troubles ethniques ou raciaux chez nous, on est en train de provoquer la Chine en soutenant des islamistes qui, et là il y a des documents là-dessus, hein, qui commettaient des attentats, qui utilisaient des voitures béliers exactement comme à Nice, ça s'est produit sur la promenade des Anglais, qui faisaient ça au Xinjiang, et les Chinois ont réagi de manière très dure, contrairement à la France, c'est-à-dire qu'ils ont dit « il est hors de question que le djihadisme s'installe chez nous », alors qu'en France, ils font ce qu'ils veulent, les bougnoules, vous l'aurez remarqué, toujours au nom des droits de l'homme. Donc les Chinois voient très clair. Et ce qui est en train de se passer, et je ne peux pas m'empêcher, et j'en termine, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qu'on essaye de faire avec la Pologne sur le LGBTisme, on est en train de se mettre à dos une nation aussi puissante que la Chine, qui va devenir encore plus puissante, sur un sujet qui est ahurissant, c'est-à-dire que quel est le pays occidental qui a été le plus visé par les islamistes et les attaques djihadistes ces 5 dernières années, c'est la France. Que fait la diplomatie française sous contrôle juif ? Eh bien, c'est une des diplomaties les plus agressives en faveur des islamistes en Chine. Ça n'est pas logique. Ça ne correspond pas à une politique qui défendrait les intérêts français, qu'une politique qui serait rationnelle. nous sommes en train de nous aliéner la Chine parce que les Juifs veulent nous pousser dans ce conflit contre les Chinois en agitant un mouvement séparatiste djihadiste. Donc, j'insiste sur ce truc, c'est incroyable. Les médias ne disent rien de tout ça. On nous présente les Ouïghours exactement comme on nous a présenté la situation syrienne ou la situation libyenne, les droits de l'homme, les musulmans persécutés, il faut les soutenir, blablabla, blablabla, et on n'entend pas du tout la version de la Chine. Et ça, c'est incroyable. Donc, je veux dire, chaque semaine, un nouvel État qu'on provoque. Et j'ai presque l'impression que chaque semaine, l'État est plus puissant. On commence avec la Birmanie, il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, là on sort d'une affaire avec la Pologne qu'on promet de provoquer, et maintenant on attaque la Chine. Bon. Alors qu'est-ce que vous voulez me dire sur cette affaire-là? Parce qu'il y a encore d'autres choses que je vais préciser, mais là c'est quand même déjà énorme. Quoi. Donc alors, c'est Glucksmann qui est à la manœuvre, c'est au Parlement européen, quoi, et qui nous entraîne dans ce truc. Hein. Moi, j'aurais aucun problème avec ce que fait Glucksmann s'il le faisait au nom d'Israël, par exemple, plutôt qu'au nom de la France. Oui, ça serait plus clair. Mais cela dit, bon, les Chinois sont plus fins. Bon, ils ont tout de suite capté le caractère juif du mec. Bon, au final, ça va, quoi, je dirais. Alors oui, alors ça, c'est important. Pourquoi j'ai cité cet expert qui n'a pas hésité à mettre une étoile de David sur son visuel pour sa vidéo, hein, qui a été visionnée en Chine. Les Chinois sont stratèges, sont fins, et ils choisissent leur moment d'offensive ou de défensive. Et là, ils ont vraiment sciemment décidé de ne pas chercher à adopter une posture tout en demi-teinte. Ils ont vraiment décidé de frapper à la tête et de signer. Et ils ont mis l'étoile de David. Et ça, c'est un message qui est aussi adressé aux Français. C'est-à-dire que les Chinois nous disent quoi? Ils nous disent « Votre pays n'est pas tenu par des Français. » Ce sont d'autres intérêts qui contrôlent votre pays. Ça me fait penser au discours de Mahmoud quand il dénonce oui. le l'idole de l'Holocauste chez vous, les Occidentaux, et certainement qu'on vous libérera un jour de toute cette merde. Oui, et je note que jamais les commentateurs russes ne se sont permis ça. Alors qu'ils avaient quand même des bonnes raisons, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un point. Les Chinois nous envoient des signaux. Et que moi, j'entends à 300%, quoi. Je veux dire. Mais je veux dire, pour moi, hein, vraiment, hein, je veux dire, nous sommes victimes des islamistes en France. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Même Macron est obligé de faire des lois bidons, mais d'en faire quand même sur le séparatisme. Le comble, c'est que Darmanin est en train de hurler à l'ingérence, et d'ailleurs Macron aussi, puisqu'il a accusé Erdogan de vouloir s'ingérer dans les élections de 2022, vous avez peut-être suivi ça, en disant « c'est inacceptable, les islamistes s'ingèrent chez nous, etc. » Au même moment, on est en train de soutenir Glucksmann, qui est en train de soutenir des islamistes sur le territoire chinois, en état d'ingérence flagrante. On est où, là? On est où? On est où? Bon, ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas, et tant que les Juifs décideront de tout en France, ça ira de plus en plus mal, quoi. C'est clair, voilà. Alors là, il s'est fait taper sur les doigts, le Glucksmann, et ça, c'est bien. Voilà, ils l'ont vraiment épinglé, ils ont dit, voilà, celui-là, on l'a repéré. Alors la bonne nouvelle, c'est que Glucksmann ne foutra jamais les pieds en Chine pour tout le reste de sa vie. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, je veux dire, en tout cas pour les Chinois. Par contre, j'aimerais, vous voyez, si la France était vraiment si la France était un pays libre, donc là, la Chine est un pays libre, hein, vous le voyez, hein, les intérêts chinois sont très, très fortement défendus en Chine par les Chinois, qui peuvent parler librement sur les réseaux sociaux. Si la France était un pays libre, c'est pas Glucksmann qui serait eurodéputé, c'est Hervé Rissen. Et c'est Glucksmann qui sera en prison pour atteinte aux intérêts nationaux et à la sécurité nationale. D'accord ? Parce que quand il soutient les djihadistes au Xinjiang, c'est la même chose que de les soutenir en Syrie. D'ailleurs, il y a beaucoup de musulmans ouïghours qu'on a retrouvés sur les théâtres d'opération en Syrie. Hein. C'est l'international djihadiste. Hein. La place de Glucksmann est en prison. Ce type devrait arrêter si la France était un pays libre, foutu en tôle pour soutien au djihadisme international. C'est sa place. Vous voyez ? C'est la différence entre un pays libre et un pays réduit en esclavage par les juifs. Voilà. Bon. Mais il y a une petite chose quand même. Il faut voir plus loin, je crois, que Glucksmann. Parce que nous ne savons pas quel est l'homologue ou les homologues de Glucksmann en Allemagne, en Suède, en Autriche et ailleurs en Europe. Moi qui suis belge, francophone, je peux vous dire une chose. C'est qu'en Belgique, il a un homologue qui a eu exactement le même comportement, le même discours et qui a provoqué la même réaction de l'ambassade de Chine en Belgique. Ce monsieur est un député fédéral écolo, c'est-à-dire un bolchevique, n'ayons pas peur des mots. Ouais. Un trotskiste. Et... Oui, mais attends, c'est pas tout. C'est vraiment un bolchevique parce qu'il s'appelle Samuel Kogolaty. Et quand je regarde sa gueule en photo, je sais tout de suite sur quelle rive du Jourdain il passe ses vacances. Et son comportement, l'action, ses actions, la réaction de l'ambassade de Chine est exactement parallèle à tout ce que tu viens de décrire à l'égard de Raphaël Glucksmann. Naturellement, le type, moi j'avais jamais entendu son nom, mais bon, je ne suis pas trop au courant non plus. Il a été repris par toute la presse belge, en tout cas la presse francophone. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des homologues à ces gens partout en Europe, dans pas mal de pays, et qu'il y a une politique anti-chinoise. Par ailleurs, tu as fort justement attiré l'attention sur le comportement du père, la tante Gluglu, André Glucksmann, à l'époque de la guerre de Tchétchénie. Qui étaient des musulmans, évidemment le but c'était la cible, c'était la Russie naturellement. Mais il y a d'autres points qui sont frappants. Par exemple, tu as ces contestataires pour les droits de l'homme, pour la démocratie en Birmanie que tu as cité. Mais n'oublions pas qu'avant que n'arrivent ces manifestations de démocrates, il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique aussi, l'actualité, pardon. Ce sont les Rohingyas. Oui. Les pauvres Rohingyas musulmans persécutés par les bouddhistes birmans. Il y a eu d'autres cas aussi. Par exemple, un peu plus tôt, ou à peu près au même moment, mais je pense un peu plus tôt, il y a eu l'affaire des Philippines, avec l'affrontement entre les Philippins et du président Rodrigo Duterte, et cette organisation islamiste qui s'est retrouvée brutalement très riche et qui a pu passer à l'offensive, qui s'appelle sans doute toujours Abu Sayyaf, qui a même pris une petite ville des Philippines, et où on a pu constater, les experts, les observateurs, qu'il y avait du côté de l'armée philippine des conseillers militaires de l'armée américaine et du côté d'Abu Sayyaf, des conseillers de la CIA. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Probablement. On retrouve ainsi plusieurs cas, donc Rohingyas, Ouïghours, Abu Sayyaf, qui ont ce point commun d'être des musulmans et d'être activés, je vais dire, par la CIA ou tout ce qu'on veut, peu importe, par des gens qui n'ont qu'un but, c'est de semer un bordel sanglant partout dans le monde. C'est très juste. Dans l'affaire des Rohingyas, je vais te donner la parole à Diabolix. Merci. En fait, je tiens quand même à rectifier les choses. Ces gens sont des musulmans, oui, ok, d'accord. Seulement, c'est quels musulmans ? Ces gens sont uniquement des musulmans sunnites. dans l'islam, les alliés des États-Unis, c'est l'Arabie Saoudite. Et accrochez-vous bien, les gars, parce que là, ça devient extrêmement pointu. Qui assure la sécurité à la Mecque? C'est Israël. Oui, oui, oui. Non, mais tout à fait. Ils ont d'ailleurs négocié. Là, Netanyahou s'est rendu en Arabie Saoudite. Enfin, il y a un partenariat. Enfin, c'est tout à fait clair. Un partenariat anti-iranien, mais beaucoup plus large que ça, anti-russe et anti-chinois. Et, oui, mais attends, rends-toi quand même compte que la Mecque. Ah oui, non, mais moi, je. Même et la sécurité est assurée par les Juifs, qui en principe sont détestés par tout le monde arabe sunnite. Oui, mais bon, on sait très bien ce que valent les Arabes face aux Juifs, et surtout les dirigeants saoudiens. Mais comment dire, dans l'affaire des Rohingyas, donc de ces musulmans de Birmanie, il y avait l'idée, parce qu'ils étaient, d'abord c'était des migrants bengalais, qui avaient colonisé progressivement une partie du territoire birman, qui se reproduisaient comme des rats, comme en France, hein, c'est les mêmes conditions. Hein, sauf qu'en France, on est encore plus taré, parce que grâce à la CAF, on finance la colonisation de la France par des rats musulmans. Donc c'est pour vous dire. Et comment dirais-je, ces mecs-là étaient assis sur du gaz, au large. La portion de côte qu'ils peuplaient, il y avait des projets gaziers avec la Chine, et aussi avec l'Inde d'ailleurs. Inutile de vous dire que cette soudaine flambée, parce que ce qu'on n'a pas raconté dans l'affaire des Rohingyas, ce que les médias occidentaux contrôlés par les globalistes, bien sûr, comme vous le savez, n'ont pas dit à l'opinion publique occidentale, c'est qu'il y avait de plus en plus d'attaques islamistes contre notamment des postes de douane de l'armée birmane. Donc les attaques s'intensifiant. Ce qui a commencé à se passer, c'est que la population birmane bouddhiste a commencé à s'en prendre aux bougnoules, qui n'en pouvaient plus. Et l'armée ne pouvait pas tolérer que de passer pour impuissante alors que la population prenait les choses en main. Donc elle a décidé de régler le problème une bonne fois pour toutes. 800 000 migrants musulmans ont été renvoyés dans leur pays d'origine, et c'est très bien pour eux, puisque comme ça, ils sont en terre d'islam. C'est formidable. Mais il y avait l'idée de déstabiliser la Birmanie sur une question stratégique énergétique. Il s'agissait de priver, en fait, la Chine d'un accès, et l'Inde aussi, l'accès à du gaz. Et vous avez remarqué que la semaine dernière, l'armée birmane a arrêté les agents de Soros en Birmanie. C'est public, c'était une dépêche Reuters, hein. C'était pas une théorie conspirationniste là non plus, hein. C'est une dépêche Reuters. Donc ils sont à l'offensive, ce qui nous amène en fait sur on va quitter un petit peu la petite politique avec le Parlement européen et Glucksmann qui est simplement un relais. Il faut regarder ce qui est en train de se passer au niveau mondial, c'est qu'en fait, l'empire financier judéo-américain se sent maintenant menacé existentiellement par la montée en puissance de la Chine. En raison de la puissance économique de la Chine, qui n'en est en fait qu'à ses débuts, car il y a des projections qui font consensus, hein, et qui disent que on peut raisonnablement estimer que dans 30 ans, le PIB de la Chine représentera 3 fois celui des États-Unis. Donc, dans ces circonstances-là, vous projetez les dépenses militaires de la Chine, indexées sur un tel PIB, en se disant que la Chine consacrerait à peu près autant de pourcentage de son PIB en dépenses publiques que les États-Unis, et ça vous donne une idée de ce que pourrait représenter la Chine à ce moment-là au niveau économique et militaire. Bon, l'empire financier judéo-américain est gravement menacé. Et soudainement, on arrive avec des questions qui n'en étaient pas. Donc maintenant, on est censé s'intéresser au Xinjiang. Les Français ne savent même pas où c'est. Mais on est censé s'y intéresser. On est censé s'intéresser aux musulmans de Birmanie. Les Français ne savent même pas situer la Birmanie sur une carte. Ça devient une priorité. C'est-à-dire que ça fait la une des journaux. Et maintenant, de plus en plus, et ça je peux vous le dire, vous allez en entendre parler, c'est Taïwan. Donc, on voit bien que les ordres sont donnés. Et tu disais, Fulbert, il n'y a pas que Glucksmann, en Belgique, en Allemagne, il y a toute une série de personnes qui ont été sanctionnées, il y a des gens qui entrent dans la danse. Oui, c'est le réseau de la CIA. La CIA qui est une des plus grandes organisations ashkénazes du monde. Et cette organisation ashkénaze veut pousser l'Europe dans une confrontation avec la Chine. C'est ça l'objectif. Or, vous prenez une carte, les Européens, c'est ça le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait les Européens n'ont aucune espèce de contentieux sérieux avec les Chinois. On n'a pas de contentieux territoriaux, on n'a pas de potentiel confrontation militaire avec la Chine. Je veux dire, nous, notre intérêt d'Européens, c'est d'avoir des relations économiques équilibrées avec la Chine. D'ailleurs, il y a sûrement des corrections à apporter, parce que les Chinois procèdent beaucoup à l'espionnage industriel, l'accès au marché chinois est difficile. Bon, mais ça, c'est de l'ordre de l'économique. Ce n'est pas de l'ordre de la confrontation géopolitique. Or, ce qu'essayent de faire les États-Unis, c'est de nous pousser dans une confrontation avec la Chine, ce qui ne correspond pas du tout à nos intérêts. Nous, notre intérêt, c'est d'être neutre. D'être neutre politiquement et d'avoir des relations économiques cordiales avec ce pays. Voilà, c'est tout, ni plus ni moins. Or, les provocateurs du néoconservatisme, en fait, parce que ce sont les mêmes, hein, ceux qui provoquent la Russie, ceux qu'on a retrouvés en Libye ou en Syrie, en Irak... C'est ceux qu'on retrouve maintenant en Birmanie et en Chine pour sonner les islamistes. Vous avez compris que c'est la même trame, quoi. Et là, il y a eu une autre affaire qui est connexe avec Glucksmann, qui concerne un commentateur français de Taïwan, de la situation à Taïwan, si vous voulez. C'est un expert de Taïwan, si vous voulez. Vous l'avez retrouvé sur tous les plateaux de télévision cette semaine. Il s'appelle Antoine Bondaz. Et la Chine a pointé son nom. Du doigt. Alors, c'est très intéressant. Il y a eu des articles là-dessus, je vais vous le lire. Alors, c'est le Midi Libre qui, en l'occurrence, il y a un article qui est très révélateur là-dessus. Alors, bon, c'est juste un commentateur, c'est un expert, quoi, si vous voulez, mais qui travaille pour un groupe de réflexion qui est dirigé par Bruno Tertrais. Très intéressant aussi, Bruno Tertrais, brièvement. Il a même eu des échanges avec Zemmour sur CNews. Alors, il a écrit un bouquin récent sur l'immigration, dans lequel il explique qu'il n'y a pas de grand remplacement en Europe. Ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Donc, en fait, vous avez compris, c'est pareil, c'est un néoconservateur à la botte de Washington, qui est payé pour être dans les médias pour faire du boulot pour Washington, qui vous explique que l'immigration, c'est formidable, que les musulmans sont nos amis, que notre intérêt, c'est de défendre les droits des LGBT, en Russie, et si possible aussi de nous intéresser au sort des pauvres Ouïghours musulmans, voilà, en attendant les Tibétains et Taïwan. Et donc, il a un salarié qui s'appelle Antoine Bondaz, qui fait un petit travail d'agitation, de propagandiste, toujours pareil, le droit des homosexuels, etc., à Taïwan, qui serait menacé par la Chine. Et l'ambassade a réagi, la même semaine des sanctions contre Glucksmann, voici ce que nous dit cette coupure de presse à ce sujet. L'ambassade de Chine à Paris s'en est copieusement pris au chercheur français Antoine Bondaz, parce qu'il avait dénoncé les pressions du régime politique du pays. Trop critique à l'égard du gouvernement chinois, c'est, semblerait-il, la raison pour laquelle Antoine Bondaz, chercheur français, s'est attiré les fous de l'ambassade de Chine à Paris, qui n'a pas manqué de ménagement dans les mots employés à son égard. Spécialiste de la Chine, de Taïwan, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, Antoine Bondaz est intervenu dans le cadre d'un groupe d'échange France-Taïwan au Sénat, dénonçant les pressions exercées par l'ambassade de Chine qui s'était opposée à cette visite, rapporte notamment LCI. Antoine Bondaz dénonce s'être fait traiter de petite frappe, de troll idéologique, de hyène folle, j'apprécie bien ça, ou encore de vilain, par l'ambassade de Chine en France dans un communiqué. Face à ces insultes, des experts en géopolitique ainsi que des parlementaires ont pris la défense du chercheur. Et ça, c'est très intéressant. Là, vous voyez toutes les taupes de la CIA bouger comme un seul homme. François Bellamy, donc le cato machin tradit, je sais pas quoi, là, LR au Parlement européen, a par exemple tweeté « Cher Jean-Yves Le Drian, ne laissez pas passer cela, ce serait lâche et dangereux ». La députée européenne Nathalie Loiseau, donc ça c'est La République En Marche, a également réagi, s'indignant du comportement de l'ambassade de Chine. Alors, Loiseau est une, donc l'ancienne du GUD, là. Elle est folle, hein. C'est la néo-conservatrice achevée, mais je sais même pas si elle sait ce qu'elle tweet, je crois même pas que c'est elle qui tweet, en fait. Enfin, c'est confondant. Alors, Taïwan est un sujet sensible pour la Chine, qui s'oppose à toute proclamation d'indépendance de l'île qu'elle considère comme l'une de ses provinces. Alors, voilà. Alors, on se déplace très vite, que nos auditeurs comprennent. Les médias vont vous faire vous déplacer très vite. Donc, les médias juifs vont vous dire, voilà, Xinjiang, bon, le temps que vous sachiez où c'est, vous êtes déjà passé de l'autre côté, vous êtes sur Taïwan. Ah bon, quand ce ne sera pas Taïwan, on va rebasculer sur le Tibet. Quand on aura fini avec le Tibet, on va revenir sur Hong Kong. Vous allez vraiment perdre l'équilibre. Donc, pour préciser une chose, on dit que la Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces. Alors non. L'ONU considère que Taïwan est une province chinoise. Les États-Unis reconnaissent que Taïwan est une province chinoise. La France reconnaît que Taïwan est une province chinoise. Alors, même l'Union européenne le reconnaît. Reconnaître que Taïwan fait partie du territoire national chinois est un préalable à l'ouverture de relations diplomatiques avec la Chine. Ce n'est pas négociable. Donc ce n'est pas une interprétation qu'auraient les Chinois d'une situation donnée. C'est dans le droit international reconnu, d'accord ? Il n'y a pas de débat, d'accord ? Il n'y a pas une ambiguïté, hein, on ne serait pas sûr. Non, non, c'est Taïwan fait partie de la Chine. Alors, je ne vais pas prononcer sur la question territoriale en elle-même, je dis simplement que c'est ce que dit le droit international. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un agitateur néo-conservateur qui, sur cette région, fait de l'agitation, et au bout d'un moment, mais c'est normal, la Chine est exaspérée. C'est-à-dire qu'on est en train non seulement de soutenir des islamistes, mais on soutient aussi des séparatistes dans un autre territoire, puis ça sera encore autre chose après. Vous voyez ? Donc, au bout d'un moment, la représentation diplomatique de la Chine est bien obligée de dire « ça suffit ». Vous comprenez ? La France ne tolérerait pas ça de la part d'un État étranger. Imaginez si Vladimir Poutine s'amusait à soutenir des séparatistes corses ouvertement. Imaginez si ça se produisait. Regardez quand Erdogan s'amuse à... soi-disant, hein, c'est ce que dit Macron, il dit « voilà, il va y avoir des ingérences en 2022, l'association turque à Strasbourg, refuse de signer ceci ou cela ». Tout d'un coup, c'est le chef de l'État qui prend la parole en hurlant à l'ingérence, en disant qu'il va y avoir des réactions, qu'il y aura des conséquences, etc. Je veux dire, la France ne tolère pas qu'un État étranger ouvertement revendique une ingérence sur son territoire. Qu'est-ce que fait la France ? Exactement la même chose, sauf que c'est un État qui a une population d'1,2 milliard d'habitants. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus, sur cette fuite en avant interventionniste de notre part ? Alors là, pour le coup, c'est Taïwan. Je pense qu'on va se faire botter le cul. Alors, je précise, parce que les gens pourraient dire, ouais, mais bon, c'est pas très grave, c'est médiatique. Je précise quand même qu'il y a quelques semaines, Macron a envoyé un sous-marin d'attaque nucléaire. Alors, il n'a pas des engins nucléaires, hein, mais il est nucléaire dans sa propulsion. En mer de Chine du Sud. C'est-à-dire que l'armée française suit les Américains dans sa logique de confrontation avec les Chinois. Mais c'est normal, puisque la France, maintenant, est membre de cette merveilleuse organisation du traité de l'Atlantique Nord. Bah oui, mais l'Atlantique Nord, c'est un Atlantique. Alors qu'est-ce qu'on fout dans la mer de Chine du Sud ? Mais j'aurais tendance à te dire qu'a été foutre l'aviation belge en Libye. Non, mais je suis d'accord. Mais quand je parle de ça, donc il y a l'affaire Glucksmann, il y a l'affaire Antoine Bondaz. Vous avez compris le fil conducteur. Vous voyez que la France est une nouvelle fois happée dans ce néoconservatisme judéo-démocratique où on va imposer les droits des LGBT et l'islamisme dans un pays qui a besoin d'être libéré, comme la Pologne. Sauf que on envoie des sous-marins. Évidemment, chaque nation envoie ses sous-marins naviguer sur les mers du globe, d'accord. Mais là, c'est vraiment ouvert, c'est revendiqué. Il y avait le compte Twitter de la Marine nationale qui l'a mis en scène. Moi, je vous dis, si vous voulez, l'intérêt fondamental de l'Europe, je l'ai décrit, hein, c'est la neutralité politique, la neutralité géopolitique, et une coopération raisonnée et raisonnable, économique avec la Chine. Sans naïveté. Mais quand on sait que la Chine va monter en puissance formidablement comme elle va le faire, quand on sait aussi par ailleurs que jamais la France ne fera illusion dans les mers, au large des côtes de la Chine avec sa marine face aux batteries de missiles chinois, se livrer à ces provocations, parce que c'en est une, hein, les Chinois nous le feront payer. Alors, comment va-t-on réagir quand des sous-marins nucléaires chinois croiseront au large de la Corse? Ils le font peut-être hein, déjà, mais de manière revendiquée et ouverte, en disant tout le bien qu'ils pensent des indépendantistes corses. Comment on va interpréter? Attention, parce que là, on se comporte comme si, vous voulez, nos actions, là je parle du gouvernement français, comme si ces actions-là n'étaient pas appelées à avoir de conséquences. Il y a cette idée, on peut botter le cul des autres, jamais personne ne viendra nous botter le cul. Et donc là, on est décidé, hein, Emmanuel Macron est décidé à être aux côtés des Américains pour prétendre botter le cul des Chinois. Sous-entendu, on peut leur botter le cul, ils vont jamais mordre, quoi. Mais déjà, il y a quelque chose qui est extraordinaire, parce que bon, c'est manifestement, enfin, moi je me mets un peu à la place des autorités chinoises. La France a envoyé un sous-marin. Bon, déjà, ça doit quelque part les faire rigoler, parce que par rapport à la densité de population, bon, essaye d'imaginer que demain, la France fasse acte de présence d'une unité d'élite sur l'île de Taïwan, compte tenu du fait que déjà la majeure partie de ces unités d'élite sont dans les sables maliens en train de s'enterrer avec, entre Bougnoul et musulmans. C'est déjà, ça promet. Mais alors, en plus, ils vont envoyer quoi? Ce qui reste? On va prendre quoi? On va prendre trois pecnots de chasseurs alpins, des mecs du régiment du train. On va leur filer ce qui reste de FAMAS qui n'a pas été passé à la broyeuse. Et on va leur dire, vous allez à Taïwan et vous allez bien montrer au peuple chinois que nous sommes les plus grands et les plus forts. Putain, les mecs, je crois que même Monty Python, sacré Graal, n'a pas fait mieux. Hein. Le problème, c'est que ces gens-là sont en train de se préparer une troisième guerre mondiale. Sauf qu'en face, c'est pas l'Allemagne nazi, c'est-à-dire que ce n'est pas un pays isolé qui se remet d'une crise économique grave et qui est le challenger. Là, en face, ils ont la Chine, avec la Russie, l'Iran, le monde chiite à côté, qui sont en passe de devenir les leaders. Ça ne va pas du tout être la même histoire, mais pas du tout. C'est très juste, Porovitch. C'est très juste. Je crois que là il y a une erreur d'analyse grave de la part des... Bon, les Américains sont condamnés à essayer de résister, d'accord, mais nous là-dedans il faut qu'on fasse preuve de discernement. Il faut bien qu'on réalise d'abord que c'est une confrontation entre la Chine et les États-Unis pour la domination du Pacifique, dans laquelle on n'a aucune bille. Alors des gens vont dire, oui, mais il y a 1,8 million de citoyens français qui se trouvent dans le Pacifique. Oui, bon, quand vous regardez la qualité ethnique des personnes intéressées, on en a parlé un tout petit peu avant. Donc ce sont nos sujets coloniaux qui nous coûtent une fortune. Entre nous soit dit, on peut les livrer aux Chinois. Je ne suis pas sûr que ce sera, à mon avis, ce sera plus une mine... qu'autre chose. Hein. Bon. Mais comment dire, on a aucune raison de se retrouver au milieu de cette confrontation. Donc c'est ça qui est en train de se produire, c'est qu'on est en train d'essayer, depuis Washington, hein, de nous traîner par les cheveux dans une confrontation dont les Européens, soyons clairs, se foutent totalement, parce qu'en Europe, nous avons des problèmes très graves, structurels, même existentiels à résoudre. L'Union européenne, on ne sait pas où ça va. L'économie européenne, on ne sait pas où ça va. On croule sous les dettes. Nous avons un grave problème d'immigration, mais qui est encore aggravé par son caractère islamique. On est en train de faire les marioles parce que les juifs nous le demandent, sur un ton très, très strict, de soutenir des islamistes un peu partout dans le monde. Bon, tout ça n'a ni queue ni tête. L'opinion européenne n'a aucun appétit pour les guignoleries américaines sur le sujet. Même si les médias font le forcing, même si Glucksmann est en train d'essayer de s'époumoner pour que l'opinion française change d'avis, je n'y crois pas un moment. Je ne dis pas que l'opinion française, j'allais dire, est sinophile. Hein. L'opinion française se fout de la Chine. En français se fout de la Chine, c'est pas son sujet, quoi. C'est pas son sujet. Mais de la même façon qu'ils essayent et qu'ils continuent d'essayer de nous chauffer contre les Russes, quoi. Et je crois que en France, les médias qui représentent pas les intérêts français, mais les intérêts de la finance anglo-américaine, hein. Je crois que les médias vont faire passer la Chine avant la Russie maintenant dans ces campagnes de haine. Ce qui serait encore plus grotesque, parce que déjà la Russie, c'était grotesque. C'était déjà grotesque. Mais la Chine, on va atteindre des sommets, quoi. On va atteindre des sommets, parce que là, on va quotidiennement nous en parler. Voilà. Alors bon, la Marine nationale se retrouve au milieu de ça. Bon, Alors du coup, par contre, j'observe, hein, vous avez vu, hein, l'ambassade de Chine ne reste plus passive. Hein, maintenant, elle met à l'amende. Et ça fait suite à la réunion en Alaska entre Blinken, donc qui est le juif qui dirige la diplomatie américaine, et une délégation chinoise où le représentant des Chinois leur a dit « L'époque où on baissait les yeux, c'est terminé. » Ça, c'était un moment, ça. Hein ? Les sages qu'ils ont fait semblant de ne pas comprendre. Qui a fait semblant de ne pas comprendre ? La diplomatie américaine. Oui, dans une certaine mesure, mais le message des Chinois était sans ambiguïté et le ton employé par le diplomate chinois était aussi sans ambiguïté. Hein. Absolument, c'est ce que tous les observateurs s'accordent à dire. Il y a quelque chose de curieux aux États-Unis qui se passe, sans développer le sujet, c'est qu'on voit l'administration Biden qui au moins partiellement ferme les yeux sur les infiltrations chinoises aux États-Unis, sur l'influence chinoise aux États-Unis, et une autre partie qui manifestement traîne des cas de fer. Moi, je n'arrive pas à situer exactement ce qui se passe, parce que bon, c'est hors de mes possibilités, mais il y a manifestement aux États-Unis, à haut niveau, une opposition à l'égard de la Chine, et mais pas seulement une opposition entre eux, je veux dire, face à la Chine. Oui, je pense que c'est une question de méthodologie. Je pense que tu as des gens qui vont dire il faut essayer de négocier avec les Chinois, et il y en a d'autres qui... Parce qu'il y a aussi de l'intérêt, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes en Chine qui génèrent des bénéfices, il ne faut pas perdre ça de vue. Hein. Tu as une autre partie, probablement l'armée, c'est-à-dire que je pense que la partie économique va dire il faut négocier, la partie militaire, donc tout ce qui est... comme on appelle ça, le complexe militaro-industriel, qui va dire non, il faut être sur une ligne dure, une ligne conflictuelle, une ligne de confrontation, et il faut vraiment être très, très direct dans notre approche vis-à-vis des Chinois. Et je pense que ce dont tu parles, c'est intéressant, c'est je pense que ce désaccord est là, se situe exactement à ce niveau-là. Les cercles qui profitent du marché chinois ou des investissements productifs qu'ils ont fait en Chine, ne voient pas du tout d'un bon œil une confrontation trop dure avec la Chine, alors que l'armée américaine, quant à elle, a d'autres, d'autres priorités et veut imposer le rythme. Donc je pense que c'est là que ça se situe, en fait. Voilà, à mon avis, c'est là que ça se passe. Oui, ça a été particulièrement mis en évidence aux yeux des gens. C'est le fait que lors de la présidence Trump était ouvertement opposé à la Chine et il s'en gardait. Par contre, la présidence Biden fait le chemin inverse. On s'aperçoit que certains, comme tu l'as dit, le complexe militaro-industriel veut l'affrontement pratiquement, alors que ce même complexe militaro-industriel était anti-Trump. C'est là où il y a véritablement une soupe incroyable dans la politique américaine, dans la politique intérieure. Oui, parce qu'en fait, Trump n'avait pas une conception cohérente en fait de la politique intérieure, de la politique extérieure. Alors, il s'était vendu comme étant une forme d'isolationnisme. D'abord, ce n'est pas vrai. Trump n'était pas un isolationniste. Il n'a même pas rapatrié les troupes d'Afghanistan. Donc, c'est dire s'il n'était pas du tout, il n'était pas du tout isolationniste. En revanche, ce qu'il refusait de faire, c'était de pratiquer une escalade. Il était contre l'escalade militaire. Ce que les Américains ont beaucoup de mal à comprendre, puisqu'ils ont, ils ont quand même un imaginaire qui vient du Far West, où on appuie d'abord sur la gâchette et on réfléchit après. Parce que c'est ça, les Américains. Hein. On commence par tout, par tout bombarder, et puis on voit ensuite ce qui se passe. Quoi. Trump disait, attendez, cette méthode nous a quand même entraîné dans des bourbiers, il faudrait peut-être réfléchir. Or, comme je le dis, il y a une culture qui prévaut. L'armée américaine n'aime pas tellement qu'on lui dise qu'il faut faire preuve de modération. Hein. Ça ne leur plaît pas tellement. Donc l'armée américaine n'aimait pas ça chez Trump. Enfin, surtout les généraux. N'aimaient pas chez Trump le côté, j'allais dire, la limitation de l'usage de la force que Trump imposait. Quoi. Donc ça leur déplaisait énormément. Alors que les démocrates, donc la gauche, adorent les guerres d'ingérence. C'est quelque chose qu'ils adorent. Imposer le LGBTisme par la force armée, ça botte énormément le Parti démocrate américain, qui est contrôlé par les juifs. D'ailleurs, le gouvernement de Joe Biden est le gouvernement le plus juif de toute l'histoire américaine. Parce que on l'avait détaillé quand il avait été élu, on avait passé en revue son gouvernement, les différents ministères. C'est le gouvernement le plus juif. D'ailleurs, la diplomatie américaine est contrôlée par les juifs. Donc ils sont divisés là-dessus, mais bon, en tout cas, la rhétorique anti-chinoise progresse. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que c'est une rhétorique très idéologique. Hein, on revient avec Taïwan, ils aiment bien mettre en avant l'histoire du LGBTisme, notamment, ça revient. Les droits des minorités religieuses, entre guillemets minorités, hein, donc des islamistes, etc. Bon, ça revient très fréquemment. Alors, je ne peux pas m'empêcher quand même de revenir un petit peu en France et de citer ça, puisque on a parlé de l'embargo, du boycott, etc., vis-à-vis de Cuba avec Diabolique tout à l'heure. Alors, mais avant de citer ça, Mendès France, on connaît, vous connaissez Mendès France, hein, l'antifasciste de service, là, celui qui débunk les fausses news, etc., qui disait d'ailleurs, avec son collègue et congénère juif Reichstadt, il y a quelques mois, que la théorie selon laquelle le Covid-19 serait le fruit d'une manipulation en laboratoire était une fake news conspirationniste. C'était Mendès France, c'était Rudi Reichstadt. Sur Twitter, hein. C'était eux qui nous expliquaient, qui expliquaient au Goïm que c'était la sphère QAnon, que ça venait de nulle part. Bon, depuis, Envoyé Spécial a fait un reportage dans lequel ils prennent très au sérieux cette thèse, pour une raison simple, c'est qu'il y a eu des analyses entre-temps qui ne sont pas du tout contestées maintenant, c'est qu'on sait que le Covid est le fruit de manipulation en laboratoire. Voilà. On le sait, le professeur Montagnier en a parlé, etc. Donc maintenant, ça, c'est admis. Ces juifs nous expliquaient que c'était du conspirationnisme. Maintenant, Envoyé Spécial, la télévision d'État française quand même, France 2, le cite très sérieusement il y a 10 jours dans un documentaire qui a été diffusé. Voilà. Et on ne les entend pas, hein, pas mea culpa, rien du tout. Hein, au secours, tout le monde nos abonnés absents. Et bien maintenant, France a été mis à l'amende par l'ambassade de Chine. parce qu'il a fait un sujet sur, je crois que c'est France Inter. Bon, de toute façon, tout ce qui est Radio France, de toute façon, c'est une colonie hébraïque. Hein, donc, bon, ils sont, voilà. Dans laquelle il a fait un article où il déverse sa haine anti-chinoise. D'accord ? Donc, c'est la même tribu, hein, c'est Glucksmann, on est chez les mêmes. Et alors là, il déverse son truc, et là, il tweet « Je suis bloqué par l'ambassade de France, par l'ambassade de Chine en France. » Donc, les Chinois ont compris qui est en action. D'accord ? C'est-à-dire ceux qui font la pluie et le beau temps en France, dont Mendès France, qui nous disent ce qu'on doit penser ou pas du Covid, etc., ce qu'on doit penser ou pas de la politique américaine, ce qu'on doit qui a le droit de s'exprimer, qui n'a pas le droit de s'exprimer, qui est derrière Stop Hate Money, c'est-à-dire qui est derrière le boycott des blogueurs, youtubeurs sur Internet et leurs moyens de financement, c'est lui et ses comparses de la communauté qui disent qui a le droit de pouvoir se financer et qui n'a pas le droit de se financer. CF Monero, hein, j'invite les youtubeurs à utiliser Monero, même s'ils ne se sentent pas encore menacés, je les invite à le faire. Bon, alors lui, il a été blacklisté par l'ambassade de Chine en France, ce dont je me félicite. Alors, j'en termine pour le sujet, et on clôture l'émission là-dessus. Boycott économique. Alors, Glucksmann continue hein, sa campagne anti-chinoise et dit la chose suivante. Ça, c'est sur Twitter, hein. La pression sur les marques organisées par le régime chinois est dingue. Alors, en fait, c'est l'inverse. C'était les Juifs qui faisaient pression sur les marques occidentales pour pas qu'elles commercent avec la Chine. Inversion accusatoire. Une à une, elles effacent leurs déclarations sur l'esclavage de leur site, allant jusqu'à se vanter d'avoir du coton du Xinjiang. On les voit, on prend note, il va falloir se mobiliser vite, les amis. Premier tweet. Ensuite, il a ciblé Hugo Boss. Une histoire d'amour particulière avec les Juifs. Hugo Boss promet aux consommateurs chinois de continuer à s'approvisionner en coton ouïghour après avoir assuré ici ne pas en utiliser. Hugo Boss, on vous voit. Décidément, il voit beaucoup de monde, le Juif. Vous avez choisi la honte. Vous aurez le boycott. Putain, j'ai l'impression d'être en 1933, dit. Il enchaîne. S'excuser d'avoir exploité des esclaves 70 ans après, donc après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'Hugo Boss faisait les très beaux uniformes noirs il y a 75 ans, si vous en rappelez. Alors il dit ça, donc il dit voilà, s'excuser d'avoir exploité des esclaves 70 ans après et en exploiter aujourd'hui. Hugo Boss, une longue histoire d'amour avec le travail forcé et les régimes totalitaires. Alors attention, là ça commence à devenir sérieux. Les Juifs menacent de comment dirais-je, d'interdire au nom de l'Holocauste de commercer là. Hein. Là ça se précise, hein, je veux dire. C'est pas très théorique. Qu'est-ce que vous pensez de ces trucs-là, là, de comment dirais-je, de ce Juif relais évidemment de ses congénères, hein, dont on a parlé et dans la grande stratégie dont on a parlé aussi, qui consiste à dire voilà. On va sortir les dossiers. Prochainement, vous n'aurez plus le droit de faire de vente. Peut-être quelque chose à dire là-dessus, je sais pas. Bah, plus le temps passe et plus les choses restent les mêmes, quoi. C'est un bien prévisible avec le temps. Hein. Du coup, Hugo Boss va peut-être pouvoir nous équiper en uniforme. Peut-être que Hugo Boss va équiper l'armée chinoise en uniforme. Je vous rappelle quand même que l'unité de production de Hugo Boss est à Madagascar. Ah, intégralement. La plus grosse partie, ouais. D'accord. Je sais pas, peut-être qu'on devrait se mettre à apprendre le chinois, on sait jamais. Le mandarin, peut-être. Moi, je vous dis très honnêtement que... En tant que futur prisonnier de guerre, mais bien contre mon gré, j'ai un avantage, je sais manger avec des baguettes. Ah, moi aussi. Moi aussi. Non, mais je suis pas pour être aveuglément pro-chinois, je sais pas quoi, c'est pas ça. Les intérêts chinois sont les intérêts chinois en Asie, ça, c'est leur truc. Mais je veux dire, en Europe... On voit bien que la Chine, malgré elle d'ailleurs dans cette affaire-là, hein, c'est-à-dire que c'est pas la Chine qui a pris l'initiative d'attaquer ces gens-là, hein, c'est la Chine qui, à force d'être attaquée par les propagandistes juifs qui contrôlent les médias juifs et la diplomatie française, qui au bout d'un moment a dû réagir et a dû citer les noms et dire voilà, il y en a assez quoi. Mais c'est vraiment après des années de harcèlement dont sont coutumiers donc les juifs. Et en fait, il est possible d'ailleurs que les Chinois, et en tout cas le gouvernement chinois, est une vision erronée de ce que pense en fait l'opinion publique française. C'est-à-dire de se dire, voilà, les juifs contrôlent leur gouvernement, donc l'opinion française partage l'opinion de ce gouvernement juif. Alors que l'opinion française n'est pas du tout informée correctement de ce qui se passe. Là, par exemple, de tout ce qu'on a fait, là, de tout ce qu'on a expliqué, l'opinion française n'en est pas du tout informée, quoi. On leur dit, voilà, les Ouïghours, les musulmans, au secours, ils sont persécutés. À mon avis, les Français sont pas très friands, hein, ils sont pas très consommateurs, à mon avis. Hein. Ça marchait mieux avec les Tibétains, je pense. Ouais, voilà, ça marchait mieux avec les bouddhistes. Mais les bouddhistes, là, ils ont pas trop la cote, parce qu'ils ont tendance à... tu vois, à devenir un peu nerveux avec les musulmans. Voilà, c'est ça. Donc, en ce moment, c'est pas tellement ça non plus, quoi. Donc, je veux dire, je crois pas du tout à l'appétit de l'opinion publique française en termes de chialerie sur les bougnoules du Xinjiang. J'y crois pas du tout, quoi. Les Français sont gavés de chialerie en permanence. Donc, au bout d'un moment, le cerveau, il se met en veille, je pense. Il y a de ça aussi. Y a de ça. Bon, remarquez, vous allez me dire, ouais, mais en France, on passe notre temps, les médias, Cyril Hanouna notamment, passent leur temps à essayer de nous faire pleurer sur les bougnoules, qui sont établis en France et qui nous égorgent. Je vous l'accorde. Donc vous pourrez me dire, si on pleure sur des bougnoules en France qui nous égorgent, il n'y a pas de raison qu'on pleure pas sur des bougnoules qui égorgent des gens au Xinjiang. C'est possible, je ne sais pas. Mais je crois que c'est assez limité quand même. Hein. Moi je pense qu'il y a une fatigue par rapport à l'islam. Hein. Je pense qu'il y a une fatigue par rapport à l'islam en France. Hein. Je pense que les Français sont fatigués. Je pense. Je confirme. Ouais, mais je pense. Je crois que c'est plus que ça. Je pense que vraiment les Français en ont assez de l'islam, quoi. Je veux dire, voilà. À mon avis, ils en ont assez, quoi. Et il n'y a pas que les Français. Non, non mais je veux dire, même les gens très très mous et très modérés, vraiment, ils disent putain, il y en a marre de cette religion, quoi. Je pense quand même que, tu vois, malgré tous les efforts des autorités françaises pour nous dire que, voilà, l'appel à tolérance, l'amour, le vivre ensemble, et les amalgames, pas bien, et tout, je pense quand même que les gens en ont. Vas-y, Merlin. Mais ouais, c'est surtout que, bah, après, tout simplement, on nous demande de chialer en permanence, mais concrètement, on ne voit rien, en fait. En France, tout le monde est heureux, les nègres, les arabes, les blancs, enfin, personne... Il n'y a pas de massacre dans les rues, il n'y a rien. Donc en fait, la chialerie fait sans cesse, depuis bien longtemps, appel à l'imaginaire. Donc t'as un plein cul, quoi. Faut pas imaginer ça. Tout est basé sur l'imaginaire. Faut bien comprendre, les juifs persécutés, maintenant on nous parle de musulmans au bout de la planète. Même les nègres chez nous, il n'y a rien, quoi. Il n'y a que dalle, concrètement, il n'y a rien. Il n'y a pas matière à chialer, en fait. Et on nous demande de chialer de plus en plus. Donc bon... Le problème, je pense que l'Asie, c'est loin, justement, et ces histoires de musulmans asiatiques, il n'y a pas d'imaginaire enraciné chez les Occidentaux là-dessus, quoi. Il y avait tout un travail qui avait été fait sur le Tibet, justement, avec des films comme en Tibet, avec Brad Pitt. Bon, il y avait des choses comme ça qui avaient été faites et ça avait marché. Il y avait de la sympathie pour la cause tibétaine. Mais c'est pareil, c'est un travail, quoi. Ça ne se fait pas en 3 semaines, quoi. Il faut produire des films, etc. Faut intéresser les gens culturellement, les cultures. Exactement. Bon, ça, c'est un travail, hein, la propagande. Hein. Déjà, quand on nous demande quelque chose de chialer ou quoi, bah, c'est déjà, il n'y a pas matière de base, sinon on le ferait naturellement. Il faut faire appel à l'empathie artificiellement, bon, c'est bon. Quoi. Oui, Que ça viendra, hein, peut-être qu'on aura le droit à des films sur les Ouïghours. Je sais pas, il y aura peut-être une Nigérie qui sera une genre de Aung San Suu Kyi Ouïghour, je ne sais pas. Ah, moi, je verrais bien une sorte d'espèce de liste de Schindler produite par des Turcs, diffusée dans les cinémas français. Non, ils sont fermés. Mais je verrais bien un truc comme ça, tu vois. Genre, je pense qu'Arte, d'ailleurs, va se mobiliser. Hein, on va avoir un truc sur les. Ils ont déjà dû en faire, ils vont en faire plus. Sur le nouveau génocide et tout, enfin, ça va être. La liste de Himmler, ce sera peut-être un petit peu... Ah, bah ça, c'est plus déjà mon projet, déjà. Ouais. Faire des listes, ouais. Ouais, tout... Ah oui, ah, oh, on a besoin de listes en France. Hein. Beaucoup de listes. Ah oui. Bah, d'ailleurs, les Chinois qui sont peut-être versés dans tout ce qui pourrait être un petit peu planification, je vois peut-être un appel à, je sais pas, certaines expertises, je sais pas, il y a peut-être des choses à faire, quoi. En tout cas, ils ont des listes à jour, hein, les Chinois. L'ambassade de Chine a des listes à jour. Visiblement, ils ont... Il y a Glucksmann, déjà, dans les jeux. Il y a Mendes France, il y a Glucksmann, bon... Oui, c'est... Non, c'est bien, ça prend une bonne direction, quand même. Hein. Je pense qu'ils ont compris le concept de juif. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont analysé. Ce qui n'est peut-être pas évident pour un Asiatique, mais non, il y a peut-être des gens qui leur ont expliqué. Ouais, ils ont les Russes, tu vois. Ouais, on lose des, les gars, on peut pas trop parler. Mais parce que chez nous, l'Occident, il y a un petit truc qu'il faut qu'on vous dise, en fait. Ouais, voilà. C'est pas tout à fait des Occidentaux, enfin, faut bien regarder, quoi. Ouais, la religion de l'hologramme a pas encore pris en Asie, je pense. Il y a pas assez d'émissaires. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne marche pas. Hein. Mais et ça c'est un sujet peut-être qu'on abordera plus en détail une autre fois, mais... dans un monde qui a été façonné par Hollywood, parce que c'est ça en fait, le XXe siècle c'est Hollywood, quoi, grosso modo, avec les représentations collectives et tout, les Français sont convaincus et tous les Occidentaux sont convaincus que leurs représentations sont les représentations du monde en fait. Bon, c'était pas vrai, mais avec l'arsenal médiatique, il y avait une capacité de suppression des autres imaginaires ou des autres représentations collectives qui jouaient vraiment en faveur de l'Occident, quoi. Et Hollywood jouait un rôle moteur, et je ne vous fais pas un dessin sur qui contrôle Hollywood. Mais au XXIe siècle, avec Internet, avec la démocratisation des caméras numériques, et puis d'émergence de grandes puissances comme la Chine, vous avez des cinémas, de la production de visuels totalement alternative, dans laquelle l'Holocauste ne joue absolument aucun rôle, quoi. C'est pas du tout central. Nous, on s'en rend même plus compte parce qu'on est tellement matraqué avec ce truc toutes les semaines, hein, je veux dire, toutes les semaines sur une radio, sur une télé, sur un événement. Enfin, de toute façon, on va nous parler de l'Holocauste, on le sait. Mais dans ces pays-là, ça n'existe pas, tout simplement. Ça n'a pas d'existence, on n'en parle pas. Et le problème, c'est que c'est une religion qui sert un dieu colérique, hein, vous le savez. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. On va voir des productions, pas nécessairement qui vont arriver chez nous d'ailleurs, hein, mais des productions chinoises qui vont peut-être arriver dans des tas de pays du monde où il n'y a pas d'Holocauste, où il n'y a pas la religion de l'Holocauste, avec tout ce que ça suppose. Et là, la nervosité des Juifs va s'accroître, quoi. Ça va être spécial, parce que jusque-là, le cinéma asiatique, c'était le Japon et puis la Corée. Non, ou puis des films de kung-fu taïwanais. Ouais, voilà, ouais. Et tout ça était sous influence occidentale, donc ça allait. Tu vois ? Ouais. Le Japon, la Corée, Taïwan, tout ça c'était sous influence. Donc ça sortait pas du cadre. Là, avec les Chinois, ça va être autre chose. Ouais, ça va être autre chose. Déjà, l'Iran... Vas-y, ouais. T'as quand même un paradoxe extraordinaire, parce qu'en fait, si tu veux... Le grand trip des Européens et des Juifs, c'est de recommencer Hong Kong, les 55 jours de Pékin. Seulement, depuis le temps, les Chinois, ils ont un petit peu compris le truc. Et je crois qu'ils ont, en Europe, ils ont oublié un truc. Même en Israël, ils ont oublié le truc. C'est que, en fait, ils sont en train d'aller jouer les kékés devant un pays qui a Sun Tzu et l'art de la guerre. Moi, je veux bien, hein, mais ça promet d'être sympa. Oui, puis un pays que d'aucuns appellent les Juifs d'Orient. Oui, puis c'est surtout une puissance nucléaire qui va être un marché plus grand que les États-Unis. Donc, je veux dire, là, il y a un moment donné, il y a quand même un principe de réalité qui s'impose à tout le monde, je veux dire. Mais... C'est vrai que les Juifs ne sont pas connus pour être très réalistes, ceci étant dit. Hein. Ils sont plutôt connus pour être fanatiques. Mais ouais, ils ont Hollywood, ça les influence. Hein. C'est certain. Vous avez vu, ils ont noué un pacte avec l'Iran, là, la Chine. 400 milliards d'investissements sur 25 ans. en échange d'approvisionnement massif en pétrole. Donc c'est télécommunications, infrastructures, santé, renseignement militaire aussi. Donc un pays comme l'Iran qu'on nous disait isolé, sur le bord de la démocratisation à marche forcée, etc. Bon, alors ils sont sous embargo de fait, mais il y a quand même des perspectives qui s'annoncent. Et c'est un pays, et je tiens à le souligner parce qu'on parlait un peu de locaux, c'est un pays qui enseigne la version correcte de la Deuxième Guerre mondiale, notamment sur la question juive, et qui explique, à raison, et qu'il n'y a jamais eu de chambre à gaz. Donc, je veux dire, c'est pas parce que l'Europe est occupée par les Juifs que le reste du monde est occupé par les Juifs. Et vous comprenez pourquoi les Juifs veulent absolument détruire l'Iran, et c'est parce que, justement, ils enseignent la version correcte de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, pour les Juifs, qui tiennent beaucoup à leur religion, hein, de l'Holocauste, c'est une question existentielle. Et maintenant, ils ont un pays comme la Chine derrière eux. Voilà. Donc, vous voyez, les choses bougent. Ah, les choses bougent. C'est plus qu'une question existentielle, parce qu'aujourd'hui, en Occident, il ne reste plus aucune valeur. Il n'y a rien. Il n'y a rien, ouais. Tout ce qui ressemble à une valeur, à un idéal, ce n'est que l'Holocauste. C'est tout ce qui reste, l'antinazisme et l'Holocauste. Il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est très juste. Alors, faudrait peut-être qu'on demande à l'ambassade d'Iran d'étudier la possibilité de créer une place Robert Forisson, peut-être, à Téhéran, et éventuellement... Vendu, je fais la demande, demain matin. Ça serait pas mal. Et voir aussi peut-être une librairie Vincent Reynouard à Ispahan, ça serait pas mal non plus, ça aussi. Ça peut s'organiser. Ah, mais non, mais je j'y crois beaucoup. Il faudrait réfléchir à ça, je veux dire. Oui, en attendant, Pékin et Shanghai, on verra plus grand ensuite, hein, mais il y a probablement des choses à étudier là-dessus. Il faudrait une statue de Ryssen avec écrit « Never forget », un truc comme ça, quoi. Tout à fait. On n'en parle pas de ça, mais aussi la vision qu'ont les Asiatiques, les Indiens, les Chinois, les Japonais, enfin les Japonais c'est différent, sous influence, de l'Allemagne nazie, tu vois. Ça n'a rien à voir avec nous. Ah non, rien. Ouais. C'est marrant de voir parfois, au détour d'une boutique, etc., un magasin qui s'appelle Hitler, de voir des représentations du nazisme très positives. Tu peux, quand tu te balades en Mongolie, tomber sur une lamasserie, sur des lamasseries où on rend des cultes à des généraux de l'armée blanche qui ont massacré les communistes, tu vois. C'est un autre monde, ça n'a rien à voir avec nous. Mais en fait, c'est ça, en fait, hein. Le monde occidental, et plus particulièrement, enfin, il y a quelques pays, hein, c'est pas tout l'Occident non plus qui est considéré comme l'Occident, mais il y a un groupe de vieilles nations occidentales qui est totalement, enfin, qui est de fait le dernier bastion du marxisme juif. Hein. C'est tout, c'est ça la réalité. La France en fait partie, quoi. Et on a l'impression que le monde fonctionne sur le même mode, ce qui est faux, et qu'on va découvrir de plus en plus. Parce que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Asie. Hein, faut pas rêver. Hein. C'est pas le siècle. Je pense qu'il y a eu trop de, on a trop de conneries qui ont été faites en Occident, ça. On pourra pas juste réparer le truc et repartir comme si de rien n'était. Non. Mais il y aura probablement des surprises très drôles, donc l'histoire n'est pas écrite. Hein, voilà. Bon, en tout cas, on a ouvert des perspectives, je suis content dans cette émission. Je vous propose de nous dire à la semaine prochaine. On verra ce que nous dira l'actualité. Merci à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À toutes. Je tiens à dire que la croix gammée en Asie, c'est un symbole de chance. C'est juste. Le Bouddha est avec vous.